Salut, ça fait un bail, ça fait une paye, ça fait une trotte qu'on t'a pas vu au bercail. J'ai le temps long, mon pote. Allez, viens, grand zouave. On est trop beau pour être fier, trop jeune pour être grave et pour tout foutre en l'air. Une tripotée, mon vieux, campoté comme pas deux. On n'a pas refait le monde dans les yeux d'une blonde. Viens dans les bonnes Vosges, qu'on efface et qu'on crame ces excuses qui pataugent, ces amitiés qui rament. Viens tel que tu es, comme tu te hais, et comme je t'aime. Allez, viens, sans rien changer, si tu savais comme je suis le même. Oublions les prétextes et nos fichus névroses. Viens avec tes complexes et tes angoisses virtuoses. Allez, viens, les mains vides et les trous dans les poches. On fonctionnera liquide et chanson à la broche. Allez, viens avec ton tact, avec tes mauvaises blagues, tous tes défauts intacts et tes yeux dans le vague. Allez, viens avec ta descente et tes appétits d'éléphant. Viens, on dévalera la pente tant qu'il est temps, tant qu'il est temps. Viens tel que tu es, comme tu te hais, et comme je t'aime. Allez, viens, sans rien changer, si tu savais comme je suis le même. Il est 18h sur les ondes de Radio Gémozo. Vous venez d'entendre Jack Simard, et ça tombe bien, qui dit artiste local dit samedi musicaux, puisque maintenant vous allez retrouver cet événement qui a lieu ici dans nos studios à Radio Gémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont, une fois par mois, les premiers samedis de chaque mois. C'est facile à retenir. Venez. Oui, il est encore possible de que vous veniez maintenant, hein, puisque bon, le studio est à moitié rempli. On vous attend ici, comme je le disais, au 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Pour ceux qui sont déjà venus lors des samedis musicaux ou qui ont écouté, puisqu'il y a cette possibilité sur le 107 FM ou sur le site radiogémozo.eu, également Facebook, le live proposé par Gilou, un petit coucou. Pour ceux qui sont déjà venus, je disais, vous aviez pu remarquer qu'on faisait déjà une interview de présentation. Eh bien là, ça ne va pas être le cas. Vous allez entendre la première performance et juste après, on papotera avec les deux artistes ici présents. Il s'agit d'une part de Jean-Nicolas Mathieu, musicien, guitariste. Il est là avec sa superbe guitare électrique. Et de l'autre côté, j'aime bien faire toujours une présentation de boxeur. Dans le coin droit, dans le coin gauche. Ça sera peut-être un petit combat de boxe que vous allez nous proposer. La guitare et la voix de Florent Kiefer, écrivain qui a fait paraître il y a peu son 5e roman, Le Point sur la Méduse. Et c'est celui-ci qu'il va vous proposer avec cet écrin musical. Quelques extraits en tout cas, hein, de ce livre, Le Point sur la Méduse. Il ne va pas tout vous lire, ça prendrait quelques heures. Eh bien, messieurs, je crois que nous allons vous écouter dès que vous le souhaitez. La fin, tu la connais. la fin, on la connaît. On va tous crever. C'est écrit. C'est la fin pour tous, la fin de tout pour tous. Fin de l'humanité, fin de l'histoire. Et plus personne pour dire, voilà, ça y est, ils sont tous crevés. C'était l'humanité, c'était leur tour sur la Terre, c'était l'humanité, mais maintenant, c'est fini. Fini, fini de naître, fini de mourir, fini de rire, fini de dire fini, fini. Maintenant, ils sont tous crevés. On le sait, ça, depuis longtemps, on le sait qu'on va tous crever. Depuis le début, on le sait, c'est bon. Mais après, c'est quoi l'espèce d'après ? Qui nous le donne son pronostic sur l'espèce d'après ? L'espèce d'après notre espèce. Le prochain règne après nous. Faudrait y penser parce que tout le monde s'en fout, on dirait. À qui le tour ? Je pose la question. Par exemple, les singes. Encore les singes. On n'en peut plus des singes, non. Les rats? Intelligents les rats, mais non. Non. Les pieuvres? Pas mal les pieuvres. Les fougères, bon. Les fourmis? Sérieusement, les fourmis? Franchement, faut voir. Ou alors, avec des cellules planquées dedans, à la rigueur. Des organismes mutants, des logiciels embarqués mais vivants, là d'accord. Embarqués mais vivants, qu'est-ce que je raconte ? Des logiciels vivants d'abord, est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Puis comment savoir ? Et puis qui va me répondre ? Tout le monde s'en fout, faut le dire ! Tout le monde s'en fout ! C'est vrai ! Moi je parie sur la méduse. Chapitre 2. Je fais le pari de la méduse. Je fais ce pari. Je parie dessus. Voilà, c'est dit, je m'engage, je prends le risque, je prends ce risque au nom de l'humanité, je prends ce risque en pure perte, parce que c'est ça qui est beau de nos jours, la gratuité. Oui, en pure perte, sans aucun espoir pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste, puisque méduse ou pas, il n'y aura plus aucun témoin pour voir si c'est la méduse qui a gagné ou le canard ou la pipistrelle. Puisque dans le grand cimetière ultime, personne ne se réveillera jamais en s'exclamant « Ah oui, bien vu les gars, regardez ce type, il a tout compris, il a dit ce sera la méduse et regardez, c'est la méduse, chapeau !» Puisque les grandes victoires sont muettes, je resterai muet, pour l'éternité, muet au milieu des méduses. Muet parce que mort, d'accord, voir chapitre 1, mais mort au milieu des méduses, quand même. Beau geste. Chapitre 3. C'est modeste, la méduse. Peut-être vous vous dites c'est pas le sujet, mais si c'est pas le sujet, alors quoi ? On attend qu'il fasse une émission, un musée océanographique, où on laisse faire comme ça, sans se poser pour réfléchir. Alors quoi ? Vous refermez le livre ? Faites-moi plaisir, tapez méduse dans Google et allez voir par vous-même. Personne n'est à la hauteur du sujet. Personne. S'il vous plaît, tapez méduse dans Google et revenez me voir. Ou alors soyez cohérent, refermez ce livre et brûlez-le ou foutez-le au recyclage, je préfère. Parce que je suis qui, moi ? Peut-être vous vous demandez, vous avez le droit. C'est vrai, je suis qui, moi ? Franchement, personne ? Qui a dit personne ? D'accord, personne, je suis personne. Refermez le livre, je vous dis, refermez-le, vous dis, pas grave, moi je reste, bande d'enculés. Moi je reste, je m'en fous. Je me concentre. Je tiens le cap. L'horizon, ce livre, et rien à foutre de rien. L'honneur de notre espèce, oui, l'honneur, ça vous parle ça, l'honneur ? Pas un documentaire, attention. Un truc, mais solennel, même pas on sourit. Un hurlement, pour dire, on savait pour les méduses. On savait, voilà, on était sur le déclin, on fonçait dans un mur, on s'en foutait, mais on savait, la preuve. Méduse, puisque je parie sur toi, puisqu'entre 1 000 milliards d'espèces, c'est sur ta petite bouche que s'est arrêté mon choix, accepte cet hommage, mon hommage. Attention, pas le moment d'être cruche. Méduse, petite méduse, on va se parler, toi et moi, sans s'énerver. Au calme, comme ça, voilà l'idée, juste se regarder, comme si je regardais par la fenêtre de mon espèce, ou de mon air, ou de mon règne. D'ailleurs, en écrivant, je regarde par la fenêtre, je te jure, c'est le soir, je ne mens pas, le soir tombe, le soleil, le ciel. Si vous lisez encore, là, alors ça va. La méduse, on dirait, elle attend. Juste, elle attend. Depuis longtemps, depuis toujours qu'elle attend. Pas chaude, pas froide, à température. Pas besoin d'être chaude en fait, pas besoin de soleil, pas besoin de rien. Tranquille. Patiente, organisée, à température. Depuis le début de l'histoire qu'elle attend, depuis le début de l'espèce, elle est là, et même de l'espèce d'avant. Au temps des dinosaures, elle attendait déjà. Elle était déjà là, tranquille, patiente. Organisé. Si ça se trouve, elle s'est dit, c'est mon tour. Et si ça se trouve, elle s'est dit, oh, et puis non, je passe mon tour. On va les laisser eux d'abord. On va attendre. On va regarder. On va bien les regarder. Si ça se trouve, c'est pas la première fois qu'elle le passe son tour. Si ça se trouve, elle était déjà là avant les dinosaures. Du temps des animalcules. C'est plausible, ça, la méduse au temps des animalcules. C'est plausible? Bien sûr que c'est plausible. Bien sûr que ça se conçoit une méduse dans le grand jeu inaugural. Logique même. Et je vais te dire, même avant. Avant la terre et le soleil et tout ce fourbi. La méduse de l'espace. Je dis, osons. La méduse de l'espace. Il faut oser la méduse de l'espace. La même, mais dans l'espace. Qui flotte, mais version cosmique, dans le cosmos. Même tentacule. Même transparence, même petit air énigmatique. Voilà, je flotte, mais c'est l'espace. Paye ton apesanteur, paye tes rayons gamma, paye ta comète qui passe, paye ton ovni, paye ta flottaison sidérale dans ton système pas tout à fait solaire, dans le palais de tes presque planètes, paye ton tout petit pet d'hydrogène, paye ton Big Bang, paye ton Fiat Lux, paye ton Néo. Peut-être qu'elle, elle le connaît, le néant. Si ça se trouve, au début, quand ça a commencé, quand ça a vraiment commencé, si ça se trouve, elle, elle a tout vu. Si ça se trouve, Dieu, oui Dieu, l'origine du monde, le mur de Planck et toutes les cosmogonies, elle entend ça, mais elle claque de rire. Si ça se trouve, elle est là et elle t'observe. Et elle se dit, c'est pour bientôt. Elle se dit, c'est maintenant. Ou alors elle se dit, pas encore, je passe encore mon tour, qu'elle se dit. Si ça se trouve, elle se dit, patience. Et mine de rien, elle se prépare. Elle apprend. Elle accumule les informations sur comment tu fais, comment tu t'y prends avec ta condition humaine ou ta condition dinosauriale ou ta condition animalcule. Et elle se dit, d'accord, ils font comme ça. Et elle fait des fiches. Elle se dit, vu, compris, intéressant. À la limite, ça lui permet de se rendre compte, de voir ce qui marche pas et les erreurs à pas commettre. Plante-toi, casse-toi la gueule, qu'elle se dit. D'ailleurs, elle dit rien, elle réfléchit. Dors, qu'elle te dit. Je suis là, je dérange personne, pas de vague. Je fais pas chier, alors fais pas chier. Fais ta vie, je fais la mienne. T'occupes, vas-y. Domine, fais-toi plaisir, serre-toi, fais comme chez toi, serre-toi largement, c'est ton tour. Il y a une politesse de la méduse. Toujours, elle s'adapte, s'acclimate, se fond plus ou moins dans le décor, entre deux eaux, toujours un peu de biais dans le sens du courant, s'occupe, ondule légèrement, tu sais pas trop si c'est elle ou l'eau qui fait ça, un effet d'optique, on dirait ça bouge, mais discret, un peu flou, voilà, tu... se laisse flotter, se déplace quand même, laisse venir à elle les petits poissons, les petites proies, filtre l'eau qui glisse entre ses jambes, c'est subtil, ça bouge, mais discret, t'as rien vu, elle est déjà loin, ou alors elle est déjà là et tu l'as pas vu s'approcher. Je comprends ta peur. Même les dinosaures, ils devaient s'en méfier. S'en foutre, mais s'en méfier. Un peu comme nous. Chapitre 6. C'est bien la méduse. Ça baise pas. Ça baise pas, ou alors discrètement. Ou alors, on sait pas trop en fait. Ça doit balancer un gel, tu penses, avec tout ce qu'il faut dedans, la bouffe, les médocs. Et puis voilà, ça fait des larves. Des larves, c'est-à-dire des méduses, des milliards, mais en beaucoup plus petits. Tout un monde là-dedans. Tout le programme. Et puis terminé, pas de social, pas de couple, pas de sous-entendu, même pas on se touche. Même pas on se connecte, même pas on sort sa bite ou autre. On est là, on flotte. On flotte et tout à coup on a l'intuition d'un après. Enfin je veux dire d'un après qui est pas juste, on est là et on flotte. Après, moi, une giclée, c'est pas rien. C'est pas rien une giclée. Et après, ça grandit, ça s'écarte tellement partout que tu vois pas, tu sens pas, tu flottes dedans, dans ton propre foutre. C'est dégueulasse presque cette idée que tu flottes dedans, tu respires dedans, tu bouffes dedans et tu refoutres dedans. Et si un jour tu en croises, bah c'est peut-être de toi. Et alors tu le sais, c'est ta vie qui est comme ça, c'est pas sale. Reste tranquille, détends-toi. Voyage. Imagine le voyage. la traversée. Chapitre 15. J'ai réfléchi, voilà ce que je pense. Dans la nageoire, qui est devenu membre, qui est devenu pied, qui est devenu main, il y a l'intuition de la bagnole, et par la bagnole, on va tous crever. Dans la méduse, il n'y a rien. Chapitre 16. Moi, supérieur à toi. Moi, supérieur parce que vertébré, parce que terrestre, parce que mammifère, parce que nageant, parce que marchant, parce que pensant, parce que social. Parce que en moi, les parties molles s'accrochent à des os. Parce que mon cerveau est central, parce que j'enterre mes morts, parce que j'utilise des outils, parce que je ris, parce que je parle, parce que j'éduque mes larves, parce que je baise quand je veux, et parce que le récit, le grand récit, tu vois, c'est moi qui le fais. Du coup, je fuck le mou. Je fuck le muet. Je fuck le flasque, je fuck le triste, je fuck le non-pensant, je fuck le végétatif, je fuck le plancton et peut-être même aussi le transparent quand c'est pas franc, pas cristallin, quand c'est une vague purée, vaguement opaque. Sauf que moi, dans mon dos, j'ai des vertèbres qui s'empilent parfaitement. Et comme elles s'empilent, je me redresse, je tiens tête, je remonte à la surface. Toi, t'es en dessous, tu t'appuies sur rien. Tu trempes. Chapitre 20. Alors, un truc de base qu'il faut comprendre, c'est qu'être méduse, pour une méduse, c'est une étape, c'est un passage. On ne naît pas méduse, on le devient. Parce que, avant de le devenir, on est juste un filament souple, fixé à un rocher, terminé par une bouche entourée de tentacules. Paye ta tristesse. Un polype que ça s'appelle. L'enfance de la méduse, en quelque sorte. Comme un dimanche après-midi qui durerait jusque la puberté. Heureusement que ça existe, la puberté, putain. Mets-toi 2 secondes à sa place. Tous les soirs, tu t'endors. Brin d'herbe soudé à ton caillou. Polype solitaire. Bouquet de tiges vissé au fond du trou du cul du monde de la mer. Dans l'aquarium, tu fais plante verte, personne te voit, tu branles rien. Tu te fais chier à mort avec tes parents, à regarder passer les murènes. Et puis, un jour, tu te réveilles. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Ton corps flotte. Tu es une cloche transparente, avec des franges, plutôt stylées. Et tu nages, tu penses, tu respires, tu prends le bus, tu as soudain des formes. 4 énormes gonades pleines à craquer de gamètes mâles ou femelles, la vie que ça s'appelle. Tous les possibles, d'un coup, à portée de bite. À portée de moule. Et d'un coup, cette impression que tout le monde te voit, que des gens te regardent bizarre, et tu biches, et tu flippes, et tu fais du stop, et ta cloche qui enfle et qui rosit et qui devient de plus en plus transparente. Et là, j'avoue, dans le chapitre 6, j'ai menti. Les méduses, ça pèse en fait, mais plutôt deux fois qu'une. On fait le point. Chapitre 21. En gros, deux stratégies, deux philosophies à la ligne tirée. En mode méduse, tu baises sexué, c'est-à-dire avec d'autres méduses. Mâle ou femelle, adulte consentant, consentante, à distance, comme les poissons, mais tout reste possible au niveau des positions. À la ligne tirée, en mode polype, tu baises asexué, c'est-à-dire par bourgeonnement ou par clonage, c'est-à-dire que tu baises pas. Je résume. D'un côté, vaste partouze anonyme avec éjaculation faciale. De l'autre, grand champ de colza ou d'épinards, on fait l'amour comme des fleurs mais sans les abeilles. Et maintenant, choisis ton camp, petit branleur. Après, par reproduction asexuée, le polype se segmente comme une pile d'assiettes et les assiettes se détachent et elles ont de petites papates et elles nagent et ça fait des zéphirules qui partent comme ça, qui grandissent et qui deviennent des méduses à leur tour. Par reproduction sexuée, le papa éjacule dans la mère et la maman, qui garde ses ovules dans l'estomac, avale le sperme du papa. Puis la maman recrache les œufs par à-coups et par sa bouche qui est aussi son anus. Puis les œufs se transforment en larves, les planulas. Elles ont aussi de petites papates et elles nagent et elles partent comme ça et elles deviennent méduses à leur tour. Chapitre 22. Oui, mais alors le venin. Parlons-en du venin, salope. Promeneur, baigneur, plongeur, vacancier, touriste, poète, poisson, petit enfant, véliplanchiste, pêcheur à main nue, ce chapitre est pour toi. Ça parle du mécanisme cellulaire le plus venimeux et le plus sophistiqué du monde, ou comment un contact, un simple contact de toi avec le tentacule d'une méduse, active les cnidocytes ou cnidoblastes qui libèrent aussitôt les nématocystes ou cnidocystes. C'est quoi le cnidocyste ? Pas une crème de jour, je te prie de croire. Une putain de pute de capsule vénéneuse qui serait un peu l'emblème de la famille. Le détail qui tue, le truc qui dit que t'es une méduse, une vraie, pas une tapette. Sorte de saloperie ultime avec tout ce qu'il faut dedans pour te niquer. Du poison, bien sûr, c'est le principe. À quoi j'ajoute son kit d'injection à usage unique comprenant filaments stériles enroulés sous pression autour d'une sorte de harpon pour bien te niquer, avec plein d'épines piquantes pour encore mieux te niquer au cas où le harpon suffirait pas. Bref, toute une horlogerie de mort emballée sous vide dont voici en détail le mécanisme. Un contact, un simple contact de toi avec le tentacule, et c'est l'engrenage. Stimulation du cnidocyte via le cnidocyle, petit cil tactile et vicieux, ouvre opercule du nématocyste, en jaillit filament. Jusqu'ici tout va bien, mais filament se termine en harpon. Que fait le harpon ? Il harponne, normal, se plante dans proie, normal, balance dans proie poison, avec, précise la notice, une pression comparable à celle d'une arme à feu. Je dis une arme à feu, par politesse, parce qu'en fait, il y en a une palanquée au centimètre carré, tu t'en doutes. Et si proie égale peau, la tienne, je veux dire. Pleure ta mère, et frotte avec sable chaud, et étale mousse à raser, dentifrice, mercurochrome, et crame-toi au briquet, et gratte avec carte bleue, et verse vinaigre, et pisse dessus même, et cherche tuto sur YouTube, foutaise, pleure ta mère, je te dis, pleure, même ton docteur, il fait genre, mais n'allons pas trop vite. Parfois, harpon reste coincé dans peau, normal, c'est la logique du harpon, alors tentacule se détache, mais pas d'inquiétude, il en poussera d'autres. Quant à la victime, c'est-à-dire toi, s'ensuit douleur assez vive. Enfin, vive dans le pire des cas, vu que dans le meilleur, tu es déjà mort. Car il faut bien comprendre que temps égale luxe au pays des méduses. Donc, piqûre égale survie. Survie égale urgence, donc autant frapper vite et fort et que tu t'en souviennes et que tu la ramènes pas et que tu ailles voir ailleurs si j'y suis ou que tu cannes direct car méduse ou pas, les proies sont des proies, elles s'agitent et lutter longuement avec elles, c'est risquer la déchirure et crever comme une merde. Comme une merde, oui, car oui, la méduse est fragile. Phobique de l'air, elle redoute la bulle comme un cancer. Ouvre la parenthèse, bulle. Flèche, nécrose, flèche, trou, flèche, mort. Ferme la parenthèse. Chacun ses problèmes. C'est pour ça, le venin. C'est parce qu'elle est fragile. T'avais pas compris ? Mais la méduse, c'est sa faiblesse qui l'oblige à tuer. Chapitre 27. Au fait, quel goût ça a la méduse ? Quelque chose entre le pamplemousse et l'endive, je dirais. Ou alors, dans le genre du cornichon. On a envie de dire, ça t'arrache la gueule, mais bon, si ça se trouve, on est plus proche du bonbon ou du neutre. De toute façon, c'est quand même rare qu'on en bouffe à part les japonais. Chapitre 28. Moi, je me suis jamais fait piquer par une méduse, et vous ? Chapitre 29. Je sais pas pourquoi je m'y intéresse, en fait. C'est vrai, pourquoi ? Je me suis jamais fait piquer. C'est pas comme Spider-Man. Je me suis pas fait piquer dans mon enfance, et ça m'a modifié les gènes, et maintenant je suis obsédé de la méduse. Ou bien j'ai des super-pouvoirs, je saute de gratte-ciel en gratte-ciel en m'aidant de mes tentacules. Y a pas écrit Méduse-Man ? Bon, j'en ai vu des fois au bord de la mer avec mon masque, mais bon, j'ai pas bloqué dessus. J'ai pas versé de larmes, j'ai pas écrit « ce fut comme une apparition dans mon Moleskine ». De façon générale, j'en ai plutôt rien à foutre de la mer. Je suis pas scientifique, je suis pas écologiste. Jamais intéressé à la nature, la planète, les pandas. Toutes ces conneries, jamais rien bité en science, rien à foutre des baleines, des requins, des coquillages, rien à foutre des animaux, des poissons, des fruits de mer, des oursins. Bon, j'ai vu deux fois le Grand Bleu, mais c'était pas pour les dauphins. Rien à foutre des dauphins. Alors les méduses, tu penses ? Les méduses, je m'en fous un peu en fait. Enfin, je crois. Chapitre 91. Sinon, comment ça va se passer concrètement, l'extinction, je veux dire la nôtre. Comment ça s'éteint une espèce, qui est-ce qui éteint en fait? Comment ça se passe quand le dernier s'éteint? Est-ce qu'il y a une sorte de montée en puissance parallèle au déclin, ou est-ce qu'il y a une phase de latence, une transition? Est-ce que quelqu'un dit quelque chose? Et après que tout s'est éteint, est-ce que tout se rallume d'un coup ? Chapitre 92. Et puis, la prise de fonction. La prise de fonction de la méduse. J'imagine que ça va être un peu comme nous. Un petit saut. Une série de petits sauts. Nous, si je me souviens bien, on a d'abord été vers un cerveau plus volumineux, puis on est parti sur la bipédie. C'est bien ça, la bipédie, parce que ça libère la main, ça développe la capacité respiratoire, ça change la sexualité. Les mamelles des femelles deviennent des seins, c'est intéressant, évidemment. Mais surtout, on s'est pas arrêté là. On a fait un putain de saut de complexité. Un saut de complexité qui s'appelle le langage, mon gars. Et puis, après, l'écriture. L'écriture. C'est pas rien, ça, l'écriture. Ça, c'est du saut de complexité, t'as qu'à voir ce livre. Chapitre 93. Mais elle, alors, ça va être quoi ? Ça va se passer comment ? Parce qu'on nous dit rien, du coup. Ça va être quoi, la petite péripétie, la petite mutation, le petit incident qui va engendrer de nouvelles formes visibles et reproductibles, prêtes pour le grand départ vers l'évolution dans les prochains temps géologiques ? Je pose la question. Lecteur, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais n'oubliez jamais ce qu'a dit Jacqueline Goy, grande spécialiste française de la méduse née en 36 dans l'Isère, ouvrez les guillemets. Œuf de méduse, œuf humain, aucune différence. Reproduction asexuée, d'accord, ça produit des clones à l'infini, on s'en branle, mais qui dit reproduction sexuée dit à chaque fois recombinaison du patrimoine génétique, et qui dit recombinaison du patrimoine génétique dit c'est pas pareil, le hasard intervient, et si le hasard intervient, alors, trois petits points, fermez les guillemets. Chapitre 94. On le voit, virgule, il reste beaucoup de questions sans réponse. Comment les méduses vont-elles évoluer ? Qu'est-ce qu'elles vont choisir comme orientation ? Qu'est-ce qu'elles vont encore inventer ? Qu'est-ce qu'elles vont nous sortir ? C'est quoi qui va les faire décoller, vraiment décoller dans la vie ? Comment elles vont s'organiser politiquement ? Moi, je les sens pas trop à gauche. Et vous ? Est-ce qu'elles vont sortir de l'eau ? Et si oui, comment elles feront vu qu'elles sont toutes molles ? Est-ce qu'elles vont rester toutes molles ? Est-ce qu'elles vont choper du squelette ou du muscle ? Est-ce qu'elles vont continuer à briller la nuit ? Je suis sûr que oui. On n'abandonne pas un truc pareil. C'est trop pratique quand on se relève pour pisser. Est-ce qu'elles vont se mettre à baiser ? Parce que si oui, d'un point de vue pornographique, la transparence, ça ouvre quand même des perspectives. Est-ce qu'elles vont repartir de zéro ? Ou est-ce que leur intelligence va se connecter à une intelligence artificielle que mon espèce va créer par connexion entre tous les ordinateurs comme un cerveau plus puissant que n'importe quel cerveau isolé ? Genre, elles trouvent le code comme pour le porte-avions nucléaire ? Et surtout ? Est-ce qu'elles vont lire mon livre ? Ce livre, oui, celui que tu tiens dans ta main, petit vénard. Est-ce qu'elles vont le lire ? Et qu'est-ce qu'elles vont en penser, venant du premier homme entré de son vivant dans l'histoire post-humaine ? C'est-à-dire moi, retenez bien mon nom, ce sera fait. Est-ce qu'elles vont organiser un truc, une cérémonie ? Est-ce qu'elles vont construire un monument à mon effigie ? Quelque part, je demande. Et surtout, est-ce que mes parents seront encore là pour le voir ? Ça m'étonnerait. Ou alors réincarné en éponge. Premier homme entré de son vivant dans l'ère post-humaine. J'aime assez, j'aime bien, ça me ressemble. Ça me ferait bien chier que ce soit pas sur la quatrième de couverture, ça, éditeur de mes couilles. Mais, j'avoue, j'ai un peu peur pour le chapitre 32 où je pisse sur une méduse morte. Tu te souviens où tu l'as sauté, petit salopard ? Bon, t'as pas tort dans le fond. C'est trop transgressif ce chapitre, pas sûr que ça passe. Et puis, je sais pas si c'est stratégique à long terme. À très long terme, je veux dire, hein, je raisonne à l'échelle géologique, moi. Hein, je vous parle pas de l'Académie française. Si je veux ma statue à l'ère d'après, faut que je soigne mes arrières. En même temps, si ça les choque, elles peuvent aussi essayer d'apprécier la sincérité de la démarche. Ou alors, carrément aller se faire foutre, tiens. Méduse ou pas, ben je les emmerde. Bravo! C'était Florent Kiefer et Jean-Nicolas Mathieu. Florent Kiefer, c'est l'auteur de ce roman, Le Point sur la Méduse, que vous avez pu entendre de manière musicale avec Jean-Nicolas Mathieu à la guitare. D'ailleurs, je crois que maintenant, on va peut-être pouvoir faire plus ample connaissance avec ces deux messieurs. Pour ce faire, il y a avec nous Lou. Salut Lou. Bonsoir tout le monde, salut Mika. On va, d'ailleurs, c'était sympa, hein, pour ceux qui ont pu suivre le live Facebook sur la page Facebook de Radio Gemozo, vous aurez pu voir Lou avec le livre qui suivait au fur et à mesure la lecture. Vous avez pu entendre aussi ceci sur radiogemozo.eu. Et il est encore temps de venir dans notre studio, 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont, pour la deuxième performance, celle de Dichotomie, puisque tout à l'heure je vous parlais des samedis musicaux. Une fois par mois sur notre antenne, en direct de notre studio, les premiers samedis de chaque mois, et je ne vous ai pas dit ce que c'était. Alors c'est simple, le concept, eh bien, c'est que le public vient ici et nous vous proposons à chaque fois deux spectacles gratuits. Et Lou, est-ce que toi, d'entrée de jeu comme ça, tu as des questions à poser sur ce livre que tu as lu, tout comme moi? D'ailleurs, tu avais reçu Florent dans l'émission L'Heure des Loups. Oui, après j'ai pas spécialement de questions dans l'immédiat. Si, c'est vrai que moi j'avais le livre sous les yeux et forcément, ça je l'avais vu venir. Il y a parfois des mots ou des petites tournures qui changent un petit peu. Alors Florent, dis-moi, est-ce que c'était voulu ? Oui, j'ai un peu retravaillé le texte pour que ça soit plus souple. Je l'ai un peu retravaillé avant, j'ai plutôt supprimé des passages et puis quand tu fais une sélection d'extraits, il faut que ça soit cohérent. Et puis c'est vrai qu'au cours de la lecture, il y a des petits changements de dernière minute, parce que je travaille beaucoup en écoutant Jean-Nicolas, et on est en fait en connexion perpétuelle au cours de cette performance, et donc voilà, ça change, ça se réécrit un tout petit peu à la marge, mais ça se réécrit un peu par sa musique aussi. Alors, comme tu l'as dit, et ça, forcément, c'est la question que je me pose ensuite. Tu as dit que tu écoutes Jean-Nicolas Mathieu et que tu t'adaptes, tu évolues. Alors, comme c'est pas la première performance, on en avait déjà parlé dans l'émission que j'avais fait avec toi, je sais plus, ça devait être en novembre ou décembre 2018. Cette performance, est-ce qu'elle est unique, ou la musique que Jean-Nicolas Mathieu joue, c'est un morceau qui est déjà tout prêt et que tu rejoues toujours de la même manière, Jean-Nicolas? Non, en fait, le tout début de la performance, c'est je sais ce que je vais jouer, je sais aussi comment je vais finir, mais ce qu'il y a entre le début et la fin, je sais jamais. En fait, donc c'est une phase d'exploration, toujours, c'est de l'improvisation, en fait. Et l'improvisation aussi par rapport à ce que Florent va, l'énergie qu'il va donner, ça me sert aussi à répondre. Donc c'est effectivement, c'est un travail à deux. Travail à deux, mais quand même sur une certaine base de préparation, j'imagine, parce que tu connais son roman, tu l'as déjà lu, et comme tu travailles aussi avec Florent Kiefer par la compagnie L'Aéronef, tu connais aussi sa personnalité et son univers artistique. Oui, je connais surtout sa perméabilité et sa manière de restituer l'énergie que je donne, ou la manière de me donner de l'énergie pour justement m'aider à trouver des idées quand je suis un peu à bout d'une idée, ou quand je dois me renouveler une idée. Souvent je l'écoute, et en fait le renouveau de la musique vient de son énergie à lui, donc ça circule. Et effectivement je le connais lui en tant qu'artiste, mais ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est la perméabilité qu'il a aux idées que je propose et aussi ce qui émane de lui. Mais dans ce cas, si je te suis bien, ou si je vous suis bien tous les deux, ce n'est pas juste Florent qui lit son texte et toi qui joues de la musique, c'est plus un duo ou comme un jeu de tennis, en fait, vous renvoyez la balle sans mauvais jeu de mots. C'est ça, on a chacun un instrument, lui c'est la guitare et moi c'est le texte qui est écrit, mais je le pratique comme un instrument, c'est-à-dire que je le joue en fait et il est joué à chaque fois de façon différente. Moi j'ai eu l'impression que c'était pas forcément dans l'ordre parfois. Tu as suivi la chronologie du roman ? Ouais, c'est dans l'ordre du roman, mais c'est vrai qu'il y a des sauts de passage. Mais c'est j'ai vraiment respecté l'ordre du roman. Ouais. On peut signaler que pour ceux qui voudraient se procurer le roman, c'est aux éditions La Dragonne, édition indépendante nancéenne. Et d'ailleurs, fidèle à Florent Kiefer, d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi, puisque tes 5 romans ont été publiés dans cette maison d'édition. Tout à fait, ouais. Y a aussi 2 couvertures pour ce roman. Ce n'est pas rien, vous aurez possibilité de choisir l'une ou l'autre. Tu peux nous dire 2 mots sur cette couverture et puis on va, Lout, si tu veux montrer à ceux qui sont les personnes, le public qui est venu dans notre studio, qu'ils voient à quoi ressemble une des 2 couvertures. Les 2 couvertures sont du même illustrateur. Alors, c'est vrai que c'est le plasticien Jacques Vitali, qui est lunévillois, qui a travaillé sur les 2 couvertures. Celle-ci, qui est la couverture principale, en fait, c'est une réinterprétation d'un ouvrage du 19e siècle, d'un naturaliste du 19e siècle qui s'appelle Hetzel, qui est extrêmement connu pour ses gravures. C'était précisément l'époque où on a commencé à recenser les espèces et à les dessiner. Donc il a un certain nombre de gravures qui sont magnifiques, la plupart du temps en couleur. Et donc Jacques Vitali, à qui on a fait cette commande, on lui a dit « Est-ce que tu pourrais utiliser cette couverture pour recréer une nouvelle couverture », a fait également une deuxième proposition, totalement libre. Il est peintre et donc il a fait quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, et beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne. Et avec Olivier Brun, l'éditeur, on a été incapable de choisir entre les deux. Donc il m'a dit « je te propose quelque chose, on fait les deux ». Donc celle-ci, c'est la couverture grand public, c'est-à-dire la majeure partie des livres sont publiés dans cette version-là. Et puis il y a ce qu'on appelle un tiré à part, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, une cinquantaine d'exemplaires qui sont numérotés, qui sont quasiment écoulés, je crois qu'on ne les trouve plus, avec la couverture, la création originale de Jacques Vitali. On peut se les procurer où, à part aux éditions La Dragonne directement ? Chez moi, mais c'est très cher. Non, j'ai vu que c'est un peu partout, sur, notamment en librairie, puis vous pouvez le commander s'il n'y est pas. Oui, tout à fait. Puis, sur Internet, sur tous les sites marchands, je l'ai trouvé. Oui, absolument. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir un acte militant. Ah, c'est une sorte de teaser de l'artiste qui suit. Ah oui, Dichotomie a oublié d'éteindre son téléphone portable. C'est pour dire, ne m'oubliez pas, ça va être bientôt à moi. Mais attends, tu vas voir pendant ta prestation. Tu vas lui pourrir. On va s'équiper, ouais, on va tout saccager. En plus, c'était une belle phrase que j'étais en train de faire. Évidemment, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Toujours comme ça. Très cher. Ah oui, 16,50 €, c'était ça. On accepte les chèques, les cartes... Non, je plaisante. Je ne sais plus ce que je disais, Mika. Toi, tu écoutes en général tes invités. C'était pour se procurer, tu as tout dit, moi j'ai l'impression... Non, il n'écoute pas en fait. Non, ce n'est pas ça que je disais. Bah, c'était... Si, rien... On disait comment se le procurer, c'était sur les sites marchands, etc. Vas-y, alors vas-y, peut-être quelqu'un du public peut nous dire... Peut Allez, nous on se tourne vers le public, le plus classique quand on ne sait plus quoi dire. Non, moi je sais quoi dire, mais par contre, après j'espère que les gens poseront une question. Moi, ce que je voudrais savoir en attendant, c'est pourquoi tu as choisi la méduse comme thème de ton roman. Oui, je ne sais pas en fait. Alors c'est... Vraiment, je ne sais pas. Comme je le dis, je le dis à un moment de façon humoristique, j'en ai rien à faire des méduses à la base, vraiment. Je me suis jamais fait piquer. Ça m'a pris un été, donc voilà, j'étais en Corse, donc près de la mer. Et c'était à la suite de mon précédent roman, qui était un roman pour moi très impliquant parce que à base autobiographique. Donc j'avais besoin de laver un peu mon stylo, de gambader dans une prairie vierge. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire des trucs sur les méduses. Et j'ai commencé à chercher des trucs sur les méduses. Et c'est devenu petit à petit un texte comme ça qui a proliféré, exactement comme les méduses, hein, qui s'est répandu comme ça à la surface de la page. Et puis, au bout d'un certain temps, j'en ai parlé à mon éditeur qui m'a dit « Tiens, mais c'est sympa quand même d'écrire sur les méduses. » Et puis voilà, c'est devenu ce livre en septembre dernier. Alors que ça n'était pas du tout mon projet au départ d'écrire sur les méduses. Et c'est drôle, c'est un livre qui est très différent de ce que je fais d'habitude, mais qui a l'air, je dis bien qui a l'air, de plaire. S'il y a des questions dans le public, on le disait, vous pouvez vous approcher du micro de Lou. C'était pour dire un compliment, donc je vous passe le micro, non? Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas moi, qui ont été surpris, qui ne s'attendaient pas à ça en venant ici nous rendre visite? Il y a des littéraires, je le sais, dans cette salle. Oh la vache, il y a des littéraires en plus. Ah oui, oui, oui, oui. Notamment des associations représentées par quelques personnes, des associations d'écriture. Personne ne veut prendre la parole, il faut que Lou c'est et nous qui allons leur poser continue. Des questions, on va faire une interro orale. Ah ben voilà Vincent. Ah si, monsieur se lance. Monsieur Selange, oui. Ce thème de la méduse, oui, justement, à un moment donné, c'est très cosmique. Vous parlez ou tu parles de la, enfin, de la méduse dans le cosmos. Ouais. Après, ça nous ramène à la méduse proprement dite, dans un imaginaire, quand même, qui est vachement intéressant. Mais, ouais, bon, voilà. Ouais, je trouve que c'est intéressant dans la partie cosmique. D'accord. Et le reste aussi, mais plus particulièrement à ce moment-là, je suis pas arrivé au début, donc j'ai peut-être raté le démarrage. Non, ouais, c'était un peu au début. Oui, oui, c'est. Ben, je suis très content que vous releviez ce passage-là, parce que moi aussi, je l'aime bien. C'est, ça fait partie des passages où je me laisse un peu surprendre par mon sujet, un peu comme avec Jean-Nicolas, quand je l'écoute et qu'il m'emmène quelque part. Voilà, j'étais sur la méduse, et puis c'est vrai, on imagine la méduse dans l'espace, c'est un être tellement fascinant et tellement différent de nous, finalement. C'est vrai que c'est très différent. Déjà, le fait une créature transparente, je trouve ça déjà fascinant. Une créature qui se régénère, c'est-à-dire comme la queue des lézards, on lui coupe un tentacule, le tentacule repousse. Suivant certaines espèces, c'est un animal qui est capable de rajeunir. Enfin, voilà, il y a toute une série de propriétés fantastiques qui peuvent faire penser à tout ce qu'on invente dans la science-fiction. C'est un animal de science-fiction à notre époque. C'est un extraterrestre qui vit sur Terre. Quoi. Il y a quelque chose de primordial dans ce roman que vous n'aurez pas remarqué, vous qui avez entendu la lecture musicale, c'est qu'il est sans ponctuation. Il s'appelle Le point sur la méduse, le seul point se trouve dans le titre. Exactement. Ouais. Alors là aussi, tu peux nous expliquer ce parti pris et puis ce qu'il faut voir. Je dis que vous n'avez pas remarqué en écoutant. Finalement aussi, puisque c'est une manière d'écrire qui interpelle, c'est dû au fait que ça soit sans ponctuation. Peut-être. Quand tu dis interpeller, c'est quand j'appelle le lecteur, par exemple. Oui. Ouais. Non, alors là, c'est pas forcément lié à ça. L'absence de ponctuation, en fait, c'est venu comme ça. C'est aussi venu en réfléchissant sur l'animal, en fait. Une méduse dans l'eau, on voit bien à quoi ça ressemble. Ça a une forme très géométrique, très esthétique, presque art déco. C'est un animal très design. Et en fait, quand on le sort de l'eau, il est flasque, on peut pas le tenir, il n'a plus aucune forme, il se répand comme ça. Et je trouvais que dans un texte comme ça, sans ponctuation, qui se répand, qui déborde, des phrases qui dégoulinent comme ça sur la page, il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à la méduse. Alors peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ce côté, j'interpelle le lecteur, je l'insulte, je le traite d'enculé, je lui dis « déchire ce livre », ce côté un peu urticant, un peu piquant du texte, un peu même beaucoup vulgaire, c'était aussi pour me fondre dans cet animal qui est un objet esthétique, mais quand on en fait sa connaissance de façon charnelle, n'est plus du tout sympathique et vraiment nous mord, quoi. Et donc dans l'insulte, dans le côté ordurier du texte, il y avait aussi ce côté piquant de la méduse que j'essayais de rendre. Qu'est-ce qui est venu en premier, le choix du thème de la méduse ou le fait de te dire que tu allais écrire sans ponctuation? Les deux, mon général. Non, en même vrai. Temps. Les deux viennent en même temps. Oui, c'est vrai. Et puis il y a ce moment où on fait ah mais c'est pas mal, ah mais c'est génial. Et puis on trouve l'idée, on trouve en fait la réponse à la question de Mika quand il nous dit lequel. On le trouve au cours de l'écriture. On dit mais ça je pourrais répondre à Mika. Et du coup on le fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la dernière fois que tu étais venu dans l'émission Hors Format avec Jean-Paul Didier Laurent, l'écrivain Bresso, ouais. Il était peut-être question d'un jour que je sois dans un roman. Alors c'est quand? C'est pas cette fois-ci. Bah, je suis reconnu. Dessus là, je suis sur ton, ah, oui, ton enfance. Ah ouais. Oh, fais-moi le malin là. Hein. Ah ouais, ouais, je me tais là. Ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est que ce n'est pas, entre guillemets, bordélique, puisque quand on dit sans ponctuation, ça peut faire peur. Je vous le dis tout de suite, n'ayez pas peur, d'ailleurs pour ceux qui veulent regarder n'ayez un petit peu, peur. Lou peut faire passer le livre dans le public, vous verrez que c'est très aéré, il n'y a pas de souci, et il y a vraiment une façon, alors de toi tu t'as trouvé la technique pour que ça soit justement lisible. Ouais, c'est une vraie technique, et suivant les lecteurs, j'ai commencé à avoir des retours de lecteurs. Alors les lecteurs les plus francs, c'est-à-dire ceux qui ont le courage de revenir me dire pour de venir me voir pour me dire les difficultés qu'ils ont éprouvées à la lecture, me disent c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile, c'est un peu déconcertant cette absence de ponctuation, mais au bout d'un certain temps on arrive à lâcher prise et on arrive à écouter une sorte de musique. Donc moi je me suis amusé à la fois à perdre un peu le lecteur, à lui mettre un peu la tête sous l'eau, là, comme moi j'avais la tête sous l'eau dans le sujet. Et puis de temps en temps, c'est vrai que je l'aide, notamment avec des chapitres, vous avez peut-être entendu à la lecture, il y a des chapitres extrêmement courts, il y a des chapitres qui font une seule phrase. Donc tout ce que vous n'avez pas, toutes les respirations que vous n'avez pas dans la ponctuation, chers lecteurs, chers auditeurs de Radio Gémozo, vous les retrouvez dans ces chapitres qui sont des respirations carrément un peu plus fortes, visuelles, qui font que ce texte est plutôt sympa à lire, je pense. Il y a des chapitres, c'est le nom du chapitre. Ils sont longs, tes noms d'ailleurs, tes noms de chapitre, à chaque fois. Ah, les résumés ? Oui. C'est ça, oui, dans le sommaire, oui. Je me suis amusé aussi à faire des sommaires au début du livre, un peu comme dans les livres de, on va dire, les romans de Jules Verne, il y a ça, des résumés de chapitres un peu longs avec des phrases, ou alors dans les livres de science, vous avez au début, les livres de science anciens, des sortes de résumés du chapitre. Donc je me suis amusé à le faire, mais de façon totalement décalé, déjanté, comme le reste du livre. Tu parlais de musicalité, qui dit musique dit Jean-Nicolas Mathieu. J'allais dire guitariste de son état, mais pas que. Ce soir, vous avez entendu le guitariste, mais il fait plein d'autres choses. Il joue du cor, mais ça, c'était il y a longtemps aussi. T'en joues encore maintenant. Chef de chœur. Et puis, tu joues un petit peu de tous les instruments. Non, tous les instruments, non. J'exagère. Après, forcément, quand je me colle un instrument avec l'oreille, ça vient assez facilement. Mais après, de là à dire que je m'exprime, je joue un tout petit peu de piano, je chante aussi. De là à dire que je m'exprime avec ces instruments-là, bon, la voix, si, mais après, il y a aussi ce que l'instrument véhicule comme... Enfin, la sonorité de l'instrument fait qu'on se sent proche d'un instrument ou pas. Moi, j'ai choisi la guitare électrique parce que j'aime ce côté rageur de l'instrument. Et c'est vraiment par là que c'est vraiment une sonorité qui me convient bien. En même temps, il y a une certaine souplesse, une douceur. En même temps, il y a une rage. Et j'aime cet instrument pour tout ça. Voilà, donc c'est un peu le seul instrument avec lequel j'aime m'exprimer. Et ça suffit pour dire que non, je ne joue pas tous les instruments, parce que tous les instruments ne me plaisent pas. La sonorité de tous les instruments ne me plaisent pas forcément. Lou disait que tu avais lu le livre de Florent. Est-ce que c'est vrai ? Ah, non, j'ai lu la première phrase. Non, tu l'as lu. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'était obligatoire. C'était le passage obligatoire pour pouvoir jouer dessus. Non, parce que je réponds. En fait, je travaille pas forcément quand je travaille avec Florent. Je travaille pas forcément sur le sens. Je vais pas dans l'illustration. Donc moi, je propose mon chemin. Lui propose le sien. Et en fait, par contre, ça, d'avoir lu son livre, ça m'aide pour avoir des climats sonores singuliers. Ça m'aide. Mais j'aurais pu faire le travail sans l'avoir lu. Voilà. Mais j'aurais été moins dans l'univers du livre. Toi, tu, à la manière d'un peintre, finalement, ce que tu proposes là, tu distilles des émotions ? Eh ben, je, si vous voulez, moi, je crée des ambiances et la rencontre des deux éléments fait que ça marche ou ça marche moins bien ou ça marche pas du tout. Des fois, ça peut. Mais moi, j'apporte mes ambiances à la musique de Florent et parfois Florent me laisse la place pour prendre la parole par des mélodies, des choses comme ça, ouais. Oh, je sais, tu es en train de regarder le live Facebook sur la page de Radio Gémozo et tu te dis, cette tête me dit quelque chose. Oui, Jean-Nicolas Mathieu, quand on anime la télévision maintenant sur via Vosges, on le voit sans arrêt. Non, mais en tout cas, il accompagne, hein, vous le savez, si vous avez déjà entendu les émissions avec lui ici, vous l'avez peut-être vu avec, que ça soit Delphine se défile, que ça soit la compagnie L'Aéronef, que ça soit Amélie, je sais jamais, c'est Armao, qui est actrice. Il y a aussi, donc quand je disais, parce que hier je t'ai vu sur cette télé, puisque tu accompagnais le week-end d'avant Jeff qui est Jean-Philippe Vautier, hein, de Tournée Générale, Feu Tournée Générale, parce que le groupe n'existe plus, il est maintenant en solo. Et j'en oublie, hein, c'est Emmanuel Bémer. Emmanuel Bémer, bien évidemment. Avec là aussi, et c'est ça qui est intéressant avec toi, Jean-Nicolas, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu travailles avec des personnes qui ont des choses à dire, en tout cas des partis pris. On l'a vu avec Florent, on parle d'Emmanuel Bémer, donc c'est sur la condition féminine, son dernier album qui est un spectacle aussi. Est-ce que tu fais tes choix par rapport justement à ce que les gens ont à dire ? Attention à ce que tu vas dire, Jean-Nicolas. De plus en plus, oui. Oui, oui, de plus en plus. De plus en plus, j'aime travailler avec des gens qui ont un engagement par rapport, qui ont un engagement dans ce qu'ils font, ouais. Parce qu'en plus, ça garantit aussi, vu que je suis souvent accompagnateur, ça garantit aussi souvent le sérieux de la production. C'est pas un truc pour rigoler, les gens, quand ils y vont, quand Emmanuel Bemer écrit un spectacle comme Je vais être une autre, il y a un vrai engagement derrière. Quand Florent écrit un livre qui a cet engagement de style, il y a un engagement aussi, il y a un parti pris. Et j'aime bien aider, j'aime bien accompagner des gens qui ont ce type d'engagement, ouais, de plus en plus. Jean-Nicolas Mathieu est de Saint-Étienne. Il accompagne beaucoup d'artistes et en solo également. Ton projet continue à évoluer, ce projet autour de la guitare? En ce moment, il y a un peu de stand-by, mais il y a un peu de stand-by parce que j'en fais pas forcément la promotion. Il continue à évoluer parce que je joue avec Florent, parce que je joue avec Jeff, parce que voilà. Donc tout ça, c'est des choses où je me retrouve moi tout seul à la guitare accompagné. Donc ça nourrit le projet solo. Mais le projet solo en tant que tel, il est un peu en stand-by parce qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps et que j'ai manqué un peu de temps pour l'éprouver et pour le faire mûrir. Mais il est vraiment pas loin. Si vous avez envie de faire jouer Jean-Nicolas Mathieu pour son projet solo ou si vous avez envie qu'il vous accompagne à la guitare, vous pouvez le contacter via la page Facebook Jean-Nicolas Mathieu, déjà le demander en poteau. Oui, aucun souci, aucun problème, je répondrai à toute proposition. Et pour Florent Kiefer, c'est pareil? Non, moi je refuse toutes les propositions. Déjà c'est nouveau, t'es sur Facebook. J'ai déjà du mal à collaborer avec moi-même, donc collaborer avec d'autres c'est très compliqué. Jean-Nicolas, bon, on était presque dans le même ventre. C'est vrai. Avant la naissance, dans le même liquide amniotique. Ah, attends, alors là, si tu as une question, il va falloir prendre un micro. Tu peux prendre celui-là. En fait, c'est une convention, la radio, on parle dans un micro. Ça marche, celui-là? Ouais. Florent, ouais. Tu m'entends là? Ouais. Ouais, je t'entends. Pour moi, je t'entendais avant aussi, en fait. Du nom de vibreur, il y a vraiment 93 chapitres ou parce que je compte me tirer une balle sinon? Non, je plaisante. Ah oui, il y a pas de réponse à cette question. Non, là, c'est tellement... Quand c'est drôle comme ça, on... on peut dire tout à l'heure que vous venez d'entendre Thomas, hein, qui ouais. Est dichotomie, que vous allez entendre dans quelques instants, dans quelques minutes, sur les ondes de Radio Gémozo. Et ici, vous pouvez venir 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont, voir sa performance. Vous verrez que lui aussi a des choses à dire. Il y a... de l'humour, il y a des jeux de mots. Justement, c'était un peu la thématique de notre samedi musical. Les mots, l'amour des mots, pour vous trois, je dirais, hein, même Jean-Nicolas, tu aimes les mots, c'est évident. Tu accompagnes Florent, entre autres. Et vous verrez que Thomas, c'est pareil à sa manière. Il s'amuse, il joue avec eux. Florent, juste... pour ceux qui voudraient te contacter, je disais, c'est oui, via Facebook aussi. Oui, par Facebook aussi, bien sûr, je réponds, je plaisantais, je réponds avec plaisir à toutes les propositions. J'ai soif de collaboration, en fait. Ou aux éditions La Dragonne. Aux éditions La Dragonne, l'écriture, c'est un travail assez solitaire. Et grâce à Jean-Nicolas, je peux partager mon travail de façon différente, de façon très simple. Et ça m'apporte beaucoup. Donc je le remercie, j'en profite. Jean-Nicolas, merci. C'est un honneur, Florent Kiefer. Ah, c'est une déclaration d'amour. Ah oui, c'est vraiment... on aurait dû se passe quitter. Un truc là sur Radio Gémozo. Ben justement, on aurait dû se quitter. Il faut toujours se quitter sur l'amour. Mais non, finalement, quoi qu'il y aura peut-être de l'amour avec Stéphanelli de l'association La Langue de Travers, et là aussi association littéraire. Tout comme tout à l'heure, c'était l'Union des écrivains vosgiens avec Vincent de Corombis, la question que vous avez entendue. Merci Mika. Oui, j'avais une question. Vous parliez d'écriture solitaire. Qu'est-ce qui vous accompagnait, à part de la documentation sur les méduses? Est-ce qu'il y avait de la musique pendant l'écriture ou des lectures? En termes de musique, il y a parmi les personnages que j'ai rencontrés grâce à ce livre, un chercheur japonais qui s'appelle Shin Kubota, que Radio Gémozo a diffusé la dernière fois que je suis venu. C'est à la fois un chercheur vraiment très sérieux, très pointu sur les méduses. Il participe à tous les symposiums tous les 3 ans sur le, il y a des scientifiques internationaux qui se réunissent pour faire le bilan un peu de l'avancée de la progression des méduses, et il en fait partie. Et en même temps, il a une carrière assez improbable sur Internet et au Japon. Vous savez que les Japonais sont fans de karaoké. Donc il a écrit des chansons d'amour sur les méduses et il les interprète dans un personnage qui s'est créé, qui s'appelle Méduseman. Et c'est l'objet de tout un chapitre pour de vrai. Alors il est assez marrant. Regardez dans, vous tapez Shin Kubota, il s'appelle. Donc il a une blouse blanche, il a il s'est fabriqué un chapeau avec une sorte de charlotte et puis des tentacules rouges comme ça. Il a des lunettes de soleil. Et donc j'écoutais souvent cette musique-là en écrivant. Ça m'a beaucoup inspiré. Est-ce que Lou, tu voudrais conclure cet échange? Il y avait un parallèle que tu faisais qui était intéressant. Je ne sais pas si vous en avez parlé lors de la venue de Florent dans ton émission. Toi, tu avais le livre de Florent t'a fait penser à un livre que tu as lu. C'est pas un livre, c'est un manga. Attention, oui, j'en avais parlé dans l'émission. Je pense que tu t'en souviens. Le manga Demain les oiseaux. J'espère que tu l'as lu. D'ailleurs, moi, j'ai fini par le moi, j'ai fini par le retrouver et forcément, je l'aime toujours autant. Mais aussi, c'est un manga d'anticipation sur qu'est-ce qui se passait si une autre espèce prenait le pas sur nous. Et là, dans cette histoire, ce sont les oiseaux. C'est très intéressant de voir ce qui se passe. Et là, c'est pas dans la réflexion, c'est vraiment dans l'anticipation. Mais je sais pas trop quoi dire, mis à part si la performance de Florent vous a plu. Lisez le livre parce que c'est vraiment une bonne tranche de rigolade, c'est un bon moment et voilà, enfin, j'ai rien à dire de plus à ce sujet. Merci messieurs. Merci beaucoup, merci Radio Gemozo, merci Mika, merci Lou pour ces moments qui sont vraiment sympas et merci au public d'être venu nous écouter. Ça fait du bien ce partage là. Il y en aura encore avec Dichotomie dans quelques instants. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on marque une pause musicale le temps que vous rangiez votre matériel et que Dichotomie prenne la place. Et je sais pas, peut-être que d'ailleurs, ce qu'on fera, c'est que tu commenceras ta performance directement, tout comme l'ont fait Florent et Jean-Nicolas, et puis on fera connaissance avec toi juste après. Allez, la pause en chanson que je vais vous proposer, c'est un album que j'avais déjà sorti, je crois que c'était lors du premier samedi musical. C'est le groupe qui s'appelle L'Attirail, l'album Dancing des Bouts du Monde, ou Dancing, je ne sais pas pourquoi je veux le dire en anglais là d'un coup. Il ne faut pas que je m'aventure sur ce terrain de cette langue que je ne maîtrise pas. Donc je disais, hein, ce titre s'appelle, alors là pareil, ça va être compliqué je pense à dire, oh, Nova Zagora, non ça va. On l'écoute et puis juste après, il y en a pour 4 minutes, vous avez le temps d'aller, je ne sais pas, vous rafraîchir ou autre chose. Et puis, ou alors venir jusqu'au studio de Radio Gemozo, Radio Gemozo, 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont. À tout de suite. Thank you. C'était l'attirail sur Radio Gémozo, les samedis musicaux, un samedi par mois, le premier. Des artistes viennent ici dans notre studio 8 Place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont. Elles proposent des performances en public. Vous avez pu entendre tout à l'heure Florent Kiefer, l'écrivain, avec une lecture de son livre, en tout cas quelques extraits de celui-ci, Le Point sur la Méduse, accompagné de Jean-Nicolas Mathieu à la guitare. Et maintenant, ça va être un autre guitariste, auteur et chanteur. Il s'agit de Dichotomie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter. Après, on parlera un petit peu avec lui. Il y aura Lou également. Et le public, je vais d'ailleurs lui demander de se rapprocher peut-être, hein, puisque je trouve que maintenant, ça fait assez loin. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu. Il y a des chaises qui se sont libérées. Tout à l'heure, vous ne pouviez pas, puisque Florent prenait la place. Ah, bah, Florent, si tu m'entends, tu prenais toute la place. Maintenant, le public va pouvoir se rapprocher de Dichotomie. Et bien, c'est quand tu veux, Thomas, quand tu veux démarrer, eh bien, ça sera à toi. Tu veux du retour, hein, on va te donner un peu de retour. Alors, on va pas pouvoir donner beaucoup plus de retours parce qu'après, ouais, il risque d'avoir du Larsen ou de l'écho. Moi, je t'entends parfaitement. Eh bien, écoute, c'est bon alors. Au niveau de la gratte. Bon. Bah vas-y, fais-nous la entendre. Tu verras. Impeccable. Eh ben écoute, c'est parfait. Maintenant, rien que pour vous qui écoutez ou vous qui êtes au studio de Radio Gémozo, Dichotomie. Allez, bravo. Bonsoir tout le monde. Encore désolé pour le non-vibreur, hein, ça m'arrive jamais. Je suis parti avec 10 heures dans la voiture et puis bah voilà quoi, j'ai pas coupé le téléphone, on sent honteux. Et donc, allez, sérieusement, pour commencer, une petite chanson qui s'appelle « Sur la toile » pour un hommage à ce monde où on peut rencontrer sa dulcinée sur Mythique et foutre ses gamins sur le Bon Coin, par exemple. Let's go, Mika. Allons quoi, jeunesse, le temps s'y va aller si loin. Si c'est pas la fin du monde, ça y ressemble bien. Pourquoi Tokyo se vide ? Même à 2h du matin, où s'en vont les moutons quand le berger est loin. Je te parle d'une sphère ni dans l'eau ni dans l'air où les gens se croient heureux, vivants. Où les aiguilles se figent sur le cadran et à tes traces de virtuel, un semblant. Allez bien, je t'emmène au marché de l'arnaque, de la femme, de la peste, de l'enfance et selon. Y a des animaux voraces, des faucons, des rapaces, des vrais cons, des vrais garces et plein de fautes d'orthographe. On te pardonnera cette vie de misère, on t'offrira une place en pleine lumière. Mais ne voyais-tu pas la belle que tu toisais la bête? Veux-tu pour prince en vrai un mec un fou, un mec un femme? Veux-tu pour prince en vrai un mec d'un fou, un mec à femme? Veux-tu pour prince en vrai un mec un fou, un mec un femme? Veux-tu pour prince en vrai un mec d'un fou, un mec à femme? Si ta vie prend pas son fade, tu peux croire au Père Noël. Ta dulcinée se dégrade, troque-la, sans problème t'enverras des poètes alignés, des blasphèmes, Rimbaud de pacotille et quelques vers en laine. Des never been paumé dans un grand No Man's Land, c'est beau comme un clodo dans un champ de la bande. D'un blond ou pire d'un roux, t'as pas vu sa laideur, tu l'as pris pour un grand brin ténébreux, séducteur. Si c'est déconcertant, crois en ces concertins. Tu te délies face à lui, est-ce que c'est grave, médecin? Si du chien te fait peur, si la poule te rend saoul, crois-tu que les âmes sœurs sont faites de cristaux de quartz? On t'accordera que dame nature est folle, que danger est partout dès que tu sors ta bagnole. Mais de ton clavier ne sort que des fausses notes. Et ne voyais-tu pas la belle que tu toisis la belle? Veux-tu pour prince en vrai un mec un fou, un mec un femme? Veux-tu pour prince en vrai un mec d'un fou, un mec un femme? Veux-tu pour prince en vrai un mec un fou, un mec un femme? Veux-tu pour prince en vrai un mec d'un fou, un mec un femme? dans la toile, tu t'es prise dans la toile, tu t'es engluée, naïve croyant ta bonne étoile. Sur la toile, on cultive les cocons, on te roule sans ton voile, mais on fait pas dans la soie. Merci. Lucas, j'ai pas du tout de retour au niveau du micro, c'est bon ? Pour nous, c'est bon. Ça marche. Alors, la suivante, c'est... Ouais, forcément, il y aura plus d'applaudissements qu'une récitation non-stop, hein, c'est mathématique. C'est narcissique aussi. Et la suivante, donc, c'est une petite fable qui s'appelle La Fontaine, additif 251, puisque La Fontaine en aurait fait 250. Aux heures crépusculaires, en bordure de lutèce, un chasseur affamé, redétend, prédateur, munitions toutes prêtes à l'œil d'envie, le viseur. Il espère pour 4 heures rencontrer bête qui pète, quand au détour d'un bosquet dont le nom m'est si cher, une biche apparue à l'allure d'un réberbère. Notre haut justicier, car touche en bandoulière, ne se plie point prier à bord de la fine commère. Vous me semblez, mamie, la princesse de ces lieux. Votre grâce illumine la noirceur de ces bois. Votre pied ouvrirait les portes de tous cieux. Et vos yeux, à dire vrai, me mettraient en émoi. La gracile servide au comble de la fierté ne s'en laisse point compter sans entendre point le danger. T'entends la ruse confuse qui pourrait l'éviter de finir gribiche comme ses compères sangliers. Seigneur de ces plombs, sans vouloir vous brimer, je doute que vous vapiez, sachez même en fumer. Je ne suis pas gibier facile, plutôt cerf et sauvage, et vos enzymes, vos sucs, subiraient des dommages. Vous semblez aux abois, et vous voient en islon. Ni cringeante dame, je ne suis point Apollon, décidé à s'offrir un fin menu copieux, l'homme d'une balle en plein cœur, s'ouvre les portes des cieux. En dépeçant la bête, il découvre le mal et le tour que lui joie son instinct animal. Le mieux beau crie au vol, personne ne louit guère, quand derrière les arbres riaient les oiseaux et les cerfs. Le monde est peuplé de certitudes travesties, à ventre affamé, l'œil aveugle, l'appétit. Le boubou ne fera au grand jamais le sorcier, à bon pied, bon oeil, beau une boîte boubou. Un petit peu blabla pour la suivante, en fait, puisque je suis vosgien à la base, mais en fait, je suis naturalisé 54 depuis une paire d'années. Et en fait, j'habite près du quartier de la rue Jeanne d'Arc, qui est la rue des plus vieux métiers de France, on va dire, ou du monde d'ailleurs. Et donc, je vais dire qu'en fait, cette chanson, je l'ai écrite en revenant des fois de soirée devant ces nanas qui étaient un petit peu abîmées, on va dire ça comme ça. Donc, je sais pas si ça fait de nous des hommes, hein, Mika. Mais bon, on va dire que ça vaut bien une petite ode. Donc, ça s'appelle Alloué. Yanka, sais-tu encore qui tu es? Quand la ville s'endort raisonnable à tes pieds, sans remords, sans regret, quand je lis dans tes yeux cette assurance assassine, je me demande où est passée ta candeur de gamine. Mais je sais bien qu'au fond, c'est la haine que tu rumines, c'est la peur qui domine. Sans service après-vente, tu t'es résolu à finir comme air-centre d'un étrange objet déchu. Ta jeunesse, ton avenir ont été kidnappés pour un destin nocturne inscrit en pointillés. Yanka, je vois des types pendus à ton bras. Tu leur en bien 30 ans, toi qui n'en as que 23. T'aiment-ils pour ton argent, ta beauté, je ne sais pas. Parfois ce sont des femmes et là je ne comprends pas. Je ne comprends pas, quel est donc ce jeu-là. Yanka, les 35 heures, qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Yanka a 35 ans, tu te vois comment, dis-moi. Ton métier, lui, est bien plus vieux que toi. Le meilleur des diplômes ne te sauverait pas. Et ta peau nous raconte ton histoire à toi. Tristement triste, triste et glauque à la fois. Racoler les morceaux semble trop tard déjà. Pourtant si tu voulais, je pourrais être à toi. Te construire un empire, t'aimer pour ce que tu es toi. Mais tu te donnes à manger à mille hommes, à mille rats. Et je vois dans tes yeux que le rêve n'existe pas. Que le rêve n'existe plus. On ne risque pas la même chose, on ne fume pas la même dose. Alors vas-y, donne le pion que je suis pour toi. À qui la faute ai-je honte? Je ne sais même pas. Car quand on aime, on ne compte pas. On a trahi la petite fille, on a sali son honneur. Et bien avant l'heure, on a fané sa fleur. Mais comment vivre quand l'amour s'est transformé en haine et qu'on danse avec la mort chaque jour de la semaine. T'as laissé tes illusions sur les bords du Danube, échevillé à ton corps la lassitude. Si la vie t'a fait un coup de brute, sache que la vie est une qu'il faut épouser. Allez bien Yanka, va te coucher pour une fois. Oublie donc tous ces faux acheteurs de viols légaux. L'amour sédentaire, ça ne me ferait pas de mal. Dans mon lit, je t'apprendrai que l'amour ne s'achète pas. Ce soir, rue Jeanne d'Arc, les filles ne sont pas pucelles. Dans ton cuir dominant, tu attends toute frêle. Un canon, un ton, un macro, un Apollon, un puceau, un bourreau. Mais le prince charmant, lui, ne viendra pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour ce petit hymne au suicide. Petite berceuse, alors on va aller avec une chanson un petit peu plus rapide au niveau de l'addiction. Ça s'appelle La Rime, c'est la frime. En hommage à des gens comme Bobby Lapointe, par exemple, à qui ça... Je sais pas si ça parle à des gens encore, mais bon. À quoi fois ça rime, Karim, la frime de faire des rimes en hymne. Je m'exprime depuis la création de la zik, il faut que ça choque, il faut que ça rime avec des... Ah, alors, j'ai un petit Larsen, enfin un petit truc pas top, Mika. Je sais pas, pour le peu de réserve, de reverb que j'ai. Ça marche. À quoi ça rime, Karim, la frime de faire des rimes en hymne. Je m'exprime depuis la création de la zik, il faut que ça choque, il faut que ça rime avec des sons hip-hop classiques, moi j'en perds mon latin. Je te ferai bien une démo façon bride modin ou de mots un peu bateau, mais sans gros mots, afin moment que tu n'aies plus de mal. C'est pourquoi laisse-moi te compter à l'heure du thé, mais sans compter à l'instant T, sans hésiter, des futilités, sans utilité. C'est tout à l'heure vers 17h que de bonhommes à grande surfleur partit dans l'heure, s'acheter de l'heure et chercher l'heure. Si elle a pas la baraque, elle rentrera chez elle en bar dans sa baraque en baccara. Se faire un barbecue de barbecue végétarienne, je pense que tout ça n'a pas de sens. Mais écoute bien, le train du train-train d'un train s'appelle un refrain. Le sifflet du replay d'un pamphlet s'appelle un couplet. Et c'est alors qu'arrive alors avec Aurore et bien avant. L'aurore, aurore, la pouf s'étouffe et pouf, puis s'assoit sur son pouf. Les brutes, vous m'avez l'aurore, je suis pute que vous putez les roues. Puis ça, c'est les affres de l'after, t'as plus up tellement t'as des aftes. Tu capes du tac au tac, un peu patra, la réponse patra comme une claque, je me revive, car toi ton kiff, il est ma foi assez kiff kiffé, mais un kef qui sniffe en teuf, et ma foi fort. Pas bien, alors c'est irrité à casser le C2C des rages, ICCCD du King, adoubé bien mes codes, Johnny A. Lister. Elle qu'aimait comme chanter pressé quand elle carlait couler son lit, se retrouve privée de tube et se voit contre un astiquer ses tuyaux. Mais elle pourra toujours courber les chines et aller chiner des machines en chine au chimie. Jack, c'était la mort décédée, il y a vraiment de quoi se demander ce qui va pouvoir succéder après le décès décédé et concéder même sans céder qu'on passera plus à CDC. Oui, il y a vraiment de quoi devenir exécrable. Tu penses que tout ça n'a pas de sens, mais écoute bien. Le front du train-train d'un train s'appelle un refrain. Le sifflet du replay d'un pamphlet s'appelle un couplet. Rose, elle voit rouge, tout à l'envers. Rose, elle est devenue toute blanche. Serait-elle vert de rage ou bien voudrait-elle partir en orange? Va-t-elle piquer une colère noire, criant mort bleu, riant jaune, ou bien qu'elle se barre en soi, 3 fois 7 pour aller pour un bon 51? Alors qu'elle crie à bas, alors on tourne là-bas dans le bois. Un homme qui aboie aux abois, serait-ce le marquis de Caraba? Passe à pas elle, sans pasta, pas fêlée, sans pas. Mais une pipa, pas de barre de finir en pasta au nez à la barbe de son père. C'est alors que je désespère, peine éphémère, amère, en père. Vous voilà enfin mon repère, mon père prospère. Vous dit amère, un peu comme mère, un peu mégère, langue de vipère, sans jamais faire trop de faux de grammaire. Et puis Sylvie m'a vie ravie qu'elle soit devenue mon vis-à-vis. Quant à ma sœur, j'en meurs de peur qu'elle trouve un leurre dans les temps. Mais pour la chute, point du percute, c'est pas le but. Rêve pas trop, regarde si tu réfléchis un peu. Et mais ça rime avec tu es, dès lors tu comprendras Karim que la rime, ce n'est que la prime. Et tu penses que tout ça n'a pas de sens, mais écoute bien. Le front du train-train d'un train s'appelle un refrain. Le sifflet du replay d'un pamphlet s'appelle un couplet. Train-train d'un train s'appelle un refrain. Le sifflet du replay d'un pamphlet s'appelle un couplet. Merci beaucoup. Ah, toujours Mika à la régie. Impeccable. Impeccable. Alors on va se faire une petite suivante qui s'appelle Trans virgule par 11 pour le jeu de mots, pour dire que tout va bien en France. Tes vacances en Provence sonnent comme un air à tout. Jadis tu te voyais tel un chêne enraciné, et tu marches dans cette campagne qui t'aura vu grandir. Tu traverses cette ville que tu as vu mourir. Le goût du reviens-y n'est dur que le temps d'un été où tu veilles sur la lit de cette vieille bête blessée. Dis, quête, tu fais 10 mois de tes jours si légers, prospères ou litron à la main, tu gagnais game en ta tanière. On refaisait le monde sur un air de guinguette, la paix retrouvée comme d'un coup de baguette. Et nous voilà comme en 40, horizon mazout et Marianne, fossilisés en mourir de rire, de tristesse. Paparam param paparam param paparam param paparam param paparam param paparam param paparam. Le 31 déjà, on pleure notre pitance. Ce soir encore, c'est sûr, on sera dans l'avance. On va la scier notre branche. Et sur notre 31, on retournera dans la danse. Comment dire à ton fils que tu es périmé? Comment lui faire comprendre qu'il est inexpérimenté? Asbin au puceau, jeté au caniveau. Bac pour tous et tous, c'est beau. Les volets, diplômes, bibelots. Laisse aux chercheurs chercher leur quête d'un ailleurs meilleur. Même si la maison mère crie au pillage, vole à l'adultère. Voyage, espoir, un jour j'écrirai votre nom. Puisque le poète médiocre réussir ici-bas est si mal vu. Un coup à gauche, un coup à droite, et le bateau tangue à l'extrême. Souffle sur la flamme où un jour tu reprendras les armes. Paparam param paparam param paparam param paparam param paparam param paparam param paparam. Le 31 déjà, on pleure notre pitance. Ce soir encore, c'est sûr, on sera dans la ranse. On va la scier notre branche. Et sur notre 31, on retournera dans la danse. Les tic-tacs du cadran, les dictats du tyran, qui payent pour leur belle mort, pour celui qui t'endort. Pour reboucher le trou, qui se rebouchera même pas. Avec ta bibiscoune, c'est clair, c'est pas toi qui as creusé ça. Tu te rappelles de ces ruelles, ces places, ces fontaines, ces bistrots. On bouffait pas de l'alimentaire, même à la bonne fortune du pot. Le vieil homme parle au chien, triste le chien, écoute-la. Et déjà pour toi, il est temps de regagner ton asile. Le bourdon sonne le glas de tes espoirs d'antan. Adieu vacher, cochon et village, aux clochers et maisons sales. Paparam param papapa, allez tout le monde! Paparam param paparam param paparam param paparam param paparam. Déjà, on pleure notre pitance. Ce soir encore, c'est sûr, on sera dans l'avance. On va la scier notre branche. Et sur notre 31, on retournera dans la danse. Le 31, j'espère un jour tomber en transe. Et savoir que demain, je retournerai dans la danse. Je prendrai le premier billet pour une seconde jeunesse. Et sur mon 31, je retrouverai ma princesse. Et sur mon 31, j'épouserai ma princesse. Merci. On a le temps de s'en faire encore trois, hein, comme on avait dit, hein, Mika. Super. Donc la suivante, en fait, c'est pour ouais, c'est l'instant Guy Bedos, on va dire un petit peu politikos, surtout qu'on est le samedi soir, ça fait bien chier tout le monde faire de la politique, hein, on est d'accord. Donc rendez-vous 2 ans en arrière, 3 ans même maintenant, peut-être 4, oh là, je sais plus. Bon, enfin au moment des élections, quoi, en fait, dilemme, donc fallait voter entre un oligarque rothschildien ou la grosse. Bon, et bon voilà, quoi, je me suis dit c'est pas trop faisable et tout, je voyais ce que les choses allaient donner, donc j'ai voté violet, et puis voilà, j'en ai fait une petite chanson. Quoi, en fait. Ça s'appelle Chérie, j'ai les trois télés, puisqu'il paraît que je crois que les trois télés, c'est un jeu de la Française des Jeux, hein, ou quelque chose comme ça, je crois. Qu'on soit bien d'accord. Alors, Juste avant, si vous voulez, chaque fois que je dis à gauche, vous pouvez dire à droite. Et chaque fois que je dis à droite, vous pouvez dire à gauche. Et vous serez des parfaits abstentionnistes. Ce sera parfait. Les clameurs, les pleurs et les mois, ce monde tourne carré, lendemain de gueule de bois. Pour l'authenticité, eh ben on repassera le tout édulcoré. Dis promets, tu verras l'euphorie d'un whisky ou d'une finale gagnée. L'espoir de nos vies enfin ressuscité. De joie ou de paille pour retomber plus bas. Qu'un point de nos retours, bienvenue dans l'au-delà. Conscience du verlan m'oreiller, du discours préfère à la marelle et les querelles d'ego à base de perlimpinpin et de nanananer de chou populiste et de beaux pop pourris. Les bleus sont à haïr, les jaunes à soutenir, des hordes typhosies qui les croient encore clean. Le blanc couleur si sobre est toujours non grata, je croyais qu'on était black, beurre, etc. Attention bientôt à vous. À gauche, à droite, à gauche, j'ai pas misé bébé. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Oui, mais j'ai les trois télés. En l'an 2 de ce millénaire, je faisais ma VA mangeant de la tête de veau. Pour fuir la choléra, je croyais au Père Noël, mais je croyais plus au roi. Je croyais encore aux hommes, mais déjà plus aux lois. Ça répète à l'envi qu'on s'est battu, tué pour en arriver là. À se l'auto-truquer, mais les montagnards au jour d'aujourd'hui, ça parle à quel puceau, quel boutonneux, dis-moi oui. La réalité, monsieur, ne se mesure pas en hippie, pipoura en clic, et on aura futur petit coq. Nous, surtout, n'oublie pas les dindons de la farce qui t'ont en pas emboîté le pas. Ça sort de l'école nationale de l'arnaque, c'est brillant, mais très vite, ça se veut rutilant. Mais pour mes 8 gosses, est-ce que mon chèque augmentera vu que je bosse? À droite, à gauche, j'ai pas misé bébé. À droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche. Oui, mais j'ai les trois télés. Parfait. Me reviennent parfois quelques vapes en tête de ces terres sans rides, de quand t'étends le désert. Ces vieux rapaces, au fils d'oncle Picsou, qui se disait héritier du grand, qui doit se retourner là-dessous. En attendant, un oligarque chilien va faire dans le social avec ses potes traders. Sa mère de femme lui fera un gosse à 70 berges, puis il ira jumper une Miss Hertienne ailleurs. Moi dans tout ça j'ai été un peu barge, j'ai joué avec le feu, j'ai compté sur la masse. J'étais bien dans ton pieu, je regardais tes yeux et j'ai pas mis mon engin dans la fente. Et même ceci dit, j'ai mis ton nom dans l'enveloppe et j'ai écrit dessus que l'urgence est à son top. Je me sens vraiment disrapide de ce monde, c'est reparti pour 5 ans à vos frasques. Go, go, go. À gauche, à droite, à droite, à gauche, j'ai pas misé bébé. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Oui, mais j'ai les trois télés. Allez, une dernière fois. À droite. à gauche, à gauche, à droite, j'ai pas mis de bébé, à droite, à gauche, à gauche, à droite, oui mais j'ai les trois télés. Merci à vous pour votre participation. Mais faites gaffe, c'est comme ça que naissent les gourous. Hein. C'est en faisant répéter les gens que... Bon, alors la suivante, elle s'appelle double fracture ouverte des cheveux pour rendre hommage en fait aux mecs qui, se sont fait recaler par leur nana quand ils ont, on va dire, abusé un petit peu sur, sur quoi ? Sur la boisson, bien sûr. Ah, je pensais avoir des propositions. Il y a tellement de choix possibles. Ouais, c'est un QCM en fait, exactement. Oui. Donc voilà, ça s'appelle double fracture ouverte des choix. Chérie, si je rentre à moi le cœur, c'est pas que j'ai flirté ailleurs, ni que j'appelle Qatar. Mais mon esprit de plus tard, parfois quand il est tard, mieux, pire qu'un radar. J'ai craqué les allocs, j'ai chopé de l'humour. Les amulettes, crever la route secours. Quand les mauvaises nouvelles tombent, il faut les ramasser. Pour qu'au bout du sein, on fonce droit dans le décor. Et y'a plus de tralala, plus de peine, oui, oui. Plus de couronne sur les têtes, au mieux sur les dents. Les pouces vont dévitaliser les chicots. Si je perds un jour l'usage du silence, tu m'as pris pour un junkie jeune. J'étais jeune qui déjeune, j'aimerais que tu m'aimes comme je me hais. D'un amour panthère à défenestré, je te lis avec les yeux, c'est plus beau en français. Ich liebe dich mi amor, parce que c'est vrai. Rien ne va plus sur la planète Karma. On envoie sur la lune la DASA. Moi qui pensais brunir ma vie, je me sens comme James Bond quand je tire sur ma blonde. Et je pars une fleur carnivore au canon de mon fusil. Sentir bien dans ce monde fou révèle une douce folie. Si la violence résout rien, il faut frapper plus fort. Faites l'amour, pas les trottoirs. Redonne El Pastor, car on étudie les poètes, mais on ne connaît pas leur voix. Et quand on sait pas où on va, bah on va pas. Et je me pile tant que mal que bien au benzodiazépine qui borde ton chemin. Tu m'as pris pour un junkie jeune, tu étais juste un junkie déjeune. J'aimerais que tu m'aimes comme je me hais. D'un amour panthérasse dépénestré, avec les yeux, c'est plus beau en français. Je me dis je m'y amore, parce que c'est vrai. Allô, quoi, je vous entends pas. Vous, vous êtes là qui me parle, Dr. Hyde. Oh, Mr. Hyde, un adieu à mes pépieux noyés dans l'eau. Une thèse sur les dépendances, ça serait bateau. Ça fait du bien de se dire qu'elle me hait, elle non plus. Qu'elle pourra pas se passer de moi plus d'un mois. J'ai loupé ma vacation, loué ma vocation de donneur de leçons, un gentil pigeon. Les protocoles me font peur, et si le rêve est de mise, je ferai plus de stop sans mon casque à Venise. Je t'ai payé l'amour et le fils pour que t'aies droit au bis. Non, non, autant pour moi. Kipling n'a rien à faire là, mais t'expliquera à ta mère que des fois je fais pas ce qu'elle croit. Tu m'as pris pour un junkie jeune, j'étais juste un junkie déjeune. J'aimerais que tu m'aimes comme je me hais. D'un amour panthère à se dépénestrer, je te lis avec les yeux, c'est plus beau en français. Ich liebe dich mi amor, parce que c'est vrai. Une dernière ? Ah bien sûr, j'espère ça bien. Marche. Ça marche, tout marche. C'est super. Et la chanson sur le gourou, alors, parce que tout à l'heure tu parlais de gourou, t'en as une qui évoque un gourou ? Ah oui, mais alors là, si on se la fait, on en rajoute une, hein ? Ah ouais. Bon, alors ça s'appelle... Il me provoque, alors je lui réponds, ça s'appelle « Un imodium au nom d'Arum », c'est pour en hommage en fait à une profession qui est dans l'air du temps, qui s'appelle les psys. Les psychologues, les psychothérapeutes, etc. Je crois qu'on est le pour faire un peu de Wikipédia, on est le pays, hein, je crois, qui use le plus d'antidépresseurs. Ouais, tu me confirmes, devant les États-Unis en ratio de. Enfin bref. Donc ça s'appelle un imodium, le médicament qui empêche de chier, quoi. On va dire, hein, on va parler cash. Au Mandarum, le Mandarum étant une secte avec le Messie comme cosmoplanétaire dans le sud de la France. Bon, il n'existe plus, quoi. Mais en fait, bon, voilà, pour rendre hommage aux psys. S'il y a des psys dans la salle, vous pouvez sortir. La sortie est ici. Je suis vacciné de la peste, manque de peau, pas encore la rage. J'ai aujourd'hui une mode en peste. J'ai les nerfs et j'enrage contre toute cette supercherie. On devrait boire un peu à tort comme du génie, mais non merci, je préfère encore le renfort. Oui, car pour ma mère, j'étais un peu barré atypique, mais je n'entendais pas de voix et je n'égorgeais pas de chat. Je croyais que les plus nouvelles se trouvaient dans le cœur des pommes. J'avais peut-être besoin qu'on s'intéresse un peu à moi. Début quand je suis venu, j'ai cru que ces gens exercent pour des tordus et sur l'uberlu. Et puis je suis venu, j'ai pas vaincu, mais ce que j'ai vu m'a fort déplu. C'est que les barilas foutaient pas mal d'élus, tu cru quand entre dans leur rente, dans leur épicente, leur salle d'attente, Warhol en négatif sur la liste et si tendance. Mais mon machin, si on devait à la gouache imager tout ça, une chincarderait tellement mieux leur équilibre et leur étage. J'entends une petite voix qui me fait schizo bipo, mélie, mélo, à poil, allô, à poil, face à ces charlots, manette à bout, marabout, marde, c'est marabout. Il faut soigner des fous. Croyez-vous qu'ils usent de l'hypnose pour aviver les souvenirs? Peut-être bien que les curés aiment les enfants pour leur sourire déshabillé. L'âme voyeuriste, je préfère me serrer à la ceinture. Pas besoin de la fesse ni de vous. Ces gens-là ont pognon sur mur, les dix. Dit-on qu'on reconstruit du fond des abysses. Sauf que certains hommes criblés impuissants sous la cave trépisse des airs stéréotypés. Des petits bébés en des bras croisés. Après de questions par heure, les dollars tombent dans le panier, pauvre assisté. Modèle d'un American style, tu te délies face à lui. Mais c'est un lieu légal, je confie déjà pas à ma chère. Que je fais sans elle, tu voudrais que je copine comme ça, que je leur parle de ma rondelle, un système de paumé, préférant être gavé, ne sachant pas guérir ton âme, ils endorment tes pensées. Faudrait déjà peut-être te sortir à les doigts du fessier. La seule recette, c'est toi seul, ta et ton chat. Si j'ai arrêté la psychose, c'est que je voulais pas finir escroc, ça m'aurait conduit au fiasco. Et j'ai réalisé le complot, allez. Tourne, tourne le spliff, ça rend you, mais ça donne chaud et c'est meilleur qu'un rendez-vous avec ce crétin de Rufo. Ça marche aussi avec Dolphin. Schizo, bipo, méli, mélo, à poil, allô, à poil, face à ces charlots, mal à tabou, marabout, marde, c'est marabout. Faut soigner des fous. Le pire dans cette affaire. Le pire, et j'en suis fier, c'est que je suis pas suivi. Mais je regarde quand même derrière pas, je regarde qui traîne derrière mes pas. Je vois personne, mais j'entends cette voix qui me dit de consulter soir au lit. Mais c'est quoi ces nanana, quant à quoi l'amour? Stop donc l'interrogatoire, là on pourrait inverser les rôles. Je pourrais t'allonger dans un sofa, ça pourrait même être très drôle de jouer à la mère au papa, un petit monologue du tonton Oedipe. Il en pense quoi, ma tante, femme du 21e Boboli, psychomagazine où on te dit de croire au Père Noël, de lutter quand Poutine pendant que quelques lieux sous terre, près de Nietzsche se retrouvent dans leur tombe. Je trouve ça infiniment plus triste que d'avoir mis au monde une blonde. Quant à toi aussi, si t'en savais peut-être un peu trop, qu'on t'a volé des billets verts et que tu trouves ces gens rigolos, qu'à toutes ces questions stériles, t'aurais rêvé d'une seule réponse. Tu tombes le temps chez ces débiles en s'armant de patience. Le jardin, il était secret. Allez tiens, je te le brade à 50 balles. Et puis t'as voulu voir quelqu'un, puis t'as voulu aimer me zoule. Mais les deux, crois-moi, c'est pas forcément toi le plus maboule. Et si la médecine vient pas à vous, alors venez à elle. J'entends une petite voix qui me fait pour la dernière fois schizo. Schizobipomélie, mélo à poil, allô, à poil face à ces charlots malatop. Marabout, marde, c'est marabout. Des fous soignent et des fous. Insanis, falsus, medicus, socus, pocus. In Microsoft, Excelsis, Deus. Au Tahiti, à qui, à quoi, pourquoi? Merci. Alors Mika, est-ce qu'on introduit la dernière? Ah oui, on veut tout savoir sur celle que tu vas nous chanter pour bah alors, finir. Elle s'appelle donc Ici va pour rendre hommage en fait, puisque quand on est zikos, quand on est musicien en fait, on chope du bar aussi, on tourne dans les bars, etc. Et donc c'est pour rendre hommage en fait à ce monde de petites gens, on va dire ça comme ça, sans démago, bien sympa des fois, qui nous touchent. C'est des émotions quoi, quand ils nous racontent leur vie après, qu'ils nous payent un coup, des coups, et qu'on finit en vrac, ouais, accessoirement. Donc ça s'appelle Ici-bas. Ça commence dans un bar, une arrière salie les tards, ça déballe ses colères, ça pisse dans un violon, mais ce n'est bien plutôt dans les cris dans la mare, en jetant des pavés, en bouffant le goudron. J'ai le cœur sur la main et la main sur mon arme, prêt à dégainer en chemin. Au moindre amalgame, langue de bois omerta, tout ça n'existe pas. Mais au moindre faux pas, je te colle, fissa, fissa. Ça laissait filer des trains et c'est resté à quai. Brûler une presque belle histoire ou bien d'aigre, un gaulet, d'autres ont rêvé leur vie et boivent toujours la lie. Le 20-20 a fait place à la binasse de midi. Des petites gens collègues, tout ce qu'on perd d'infortune, des anards, des clichés, des pions en colère sans la dune, courbant le dos restant digne, même sous la pleine lune, des renvoyés spéciaux ravalant leur rancune. Plaisir solidaire, on réapprend les mots, même si c'est peine perdue, même si la peine perdue, même si c'est perdu, la terre basculée, à ramper sous les projets. L'année, ma goût, y'a du j'en bas, du j'en ai marre, dans le grand champ bas, des gens des bars, pas de beaux mots, pas de beaux mots, que ceux qui piquent la peau. Y'a ta soeur, y'a mon voisin, y'a de la colère, et y'a ta femme, ramène-toi vite en chemin, avant que je te pique, madame. Magot, dites-vous, on parle de quel magot? C'est tellement cher d'être pauvre dans ce passage surfait, qu'on est riche que du monde, que chaque soir on refait. On n'est jamais que sous les feux d'un mégot. car j'apprendrai toujours plus du dernier des clodos, du premier des sinistres, accessoirement ministre. Si un jour, enfin, on décide d'envoyer là-haut quelqu'un d'ici-bas, on saura de quoi on cause. Ça tape le carton, on est 6 sur 6 sous. On évite la touche arme, s'invente les atouts charmes. Ça s'égare parfois, ça pleure le maréchal. L'époque gréco-roumaine et son retour de flamme. Je pisse mes colères, mais joue toujours pas de violon. Et peut-être qu'en guise de verdict, je retoucerai des tessons. Même s'il n'est pas rose, ce monde simple dans le fond. C'est le leur et le mien par la même occasion. Ils sont pucelles de compliments formels. Chaque jour est un jeu, tous les jours pour du feu. On jure les grands dieux que ce soir on s'arrête. Définitif des heures pour la nullité du geste. Je titube, je m'échoue, je renvoie, je donne tout. On a reçu tellement d'aide avec accusé déception contre les plumes et l'enclume. On aura choisi le goudron, vos bonnes mœurs, vos bonnes sœurs, ce sont elles qui nous excuseront. Il y a du chambard, du j'en ai marre, dans le grand chambard, du j'en ai marre. Pas de bobo, pas de bobo, tous ceux qui piquent la peau. Y'a ta soeur et à mon voisin, y'a de la colère et à ta femme. Ramène-toi vite en chemin avant que je te pique, madame. Y'a du chambard, du j'en ai marre, dans le grand chambard, des gens des bars. Pas de bobo, pas de bobo, ceux qui piquent la peau. Y'a ta soeur et à mon voisin, y'a de la colère et à ta mère. Ramène-toi vite en chemin avant que je te pique, madame. Merci beaucoup, merci à la radio et merci à tout le monde. Bravo, Dichotomie. Merci pour cette performance en direct du studio de Radio Gémozo à Saint-Étienne et Remiremont pour la troisième édition des samedis musicaux. Il y a du public, peut-être que vous êtes chez vous à regarder le live Facebook. Gilou est là, il en peut plus depuis 2 heures. Bon, c'est bien, t'as le trépied pour tenir le téléphone, là, c'est vachement pratique. Et puis, il y a Lou qui est là et on va, tous les trois, j'ai envie de dire, mais plus le public, hein, apprendre à mieux te connaître, Dichotomie. Alors, déjà, ce nom d'artiste, c'est ton deux mots, hein, c'est par rapport au, justement, jeu de mots, Dichotomie. Tu as choisi, pourquoi tu as choisi ce nom? C'est bon, tu m'entends, Mika? Ouais, impec. Ouais. Bah c'est le jeu de mots en fait avec la dissociation de la raison, on va dire. Et puis le fait que l'art, si la musique, tant est que la musique en soi soit, j'aime pas le fait que tout soit rattaché à la raison. Je suis quelqu'un d'assez irrationnel, tourmenté, etc. Donc je m'appelle Thomas en plus, Thomas, Tommy. Bon, voilà, Dichotomie. Ça, c'est, je me suis dit. Il y a plusieurs Thomas dans le Tommy ou vice versa. Ouais, voilà. Ouais. Comment ça a commencé pour toi la musique ? Ça a commencé après une blessure en fait dans le sport, donc j'avais besoin de trouver un palliatif en fait par rapport au temps que je passais dans le sport. Et puis j'ai commencé à prendre des cours de gratte, après à me dire que j'avais envie d'écrire des textes, comme beaucoup de gens dans ces cas-là, quoi, souvent, je pense. Et puis après de les chanter, donc aussi bien dans des bars, des salles culturelles, des choses comme ça. Donc voilà, mais dans l'optique vraiment fun, il y a beaucoup de matu vu dans ce milieu-là, beaucoup de frimes et tout. Moi, je suis vraiment, je suis pas très vendeur, même au niveau du Facebook, tout ça, des réseaux sociaux, je suis très très, je suis timide de nature en plus. Donc bon, voilà, ça me convient bien de faire aussi bien des bars et tout ça, mais j'aspire à faire de plus en plus de salles culturelles ou d'endroits en fait où on peut chanter son propre répertoire. Et ça devient sympa depuis l'an dernier, quoi, en fait. Tu dis que t'es pas très vendeur, mais tu tournes bien, même dans le coin. T'as tourné, on a pu te voir chez Rudy à l'Estaminet, même dans d'autres endroits. C'est pas mal de dates pour toi. Ouais, bah passer chez des gens comme Rudy, c'est super, c'est gratifiant. Puis c'est vraiment, c'est un endroit. Des fois, on voit des groupes qui font Londres, Bruxelles, machin. Puis chez Rudy à l'Estat, donc c'est sympa. Puis c'est bon, après voilà, je chope du bar, chope un petit peu partout où je peux jouer. Et puis bon voilà, en tapant des fois dans les reprises parce qu'on est un petit peu obligé. Je suis pas fan de ça, mais bon. Voilà, faut mixer un petit peu compo et reprise tant qu'on est personne, tant qu'on est voilà, un petit niveau. Donc bon, voilà, quoi, on s'y fait, quoi. Tant qu'on est dans les lieux de concert, tu as joué dans un lieu culte chez Paulette. Chez Paulette, ouais. Ouais, c'est de plus en plus, donc c'est sympa. C'est ce qui est gratifiant, quoi, en fait, qui fait plaisir. Et puis j'y retourne le 7 avril avec un petit maquettage, une captation son et puis visuel, en fait. Donc c'est ouais, c'est vrai que là, quand on sait qu'il y a des Calvin Russell, des Bertignac, Jean-Louis Aubert, des Wampas qui sont passés, ouais, c'est vrai que c'est super sympa de passer. En fait, on a les chiottes, quoi, qui sont tapissées en fait des posters et tout, de tout le monde, quoi, en fait, qui est passé. C'est assez impressionnant, quoi, en fait. Quelle est cette salle, où se trouve-t-elle, mais qui est donc cette Paulette? Paulette, ah, c'est une grande figure. Je sais pas pourquoi elle a pas la Légion d'honneur, hein. Elle a 97 ans, elle est toujours vaillante. Des fois, de temps en temps, elle fait la buvette. Enfin, c'est assez impressionnant. Elle est née dans les années 20, quoi. C'était parti, je crois, d'un un peu presque d'un défi il y a très très très longtemps, quoi, en fait, dans une salle grange, quoi, en fait. Et puis après ça a été repris par ses petits-fils, son fils, son petit-fils et tout, et puis ça s'est transformé en vraie belle salle culturelle avec du beau monde et tout ça. On a l'assurance d'avoir de la bonne musique, quoi. Enfin, c'est vrai, quand on regarde le monde qui passe, il y a des styles de musique. Moi, je suis pas foncièrement fan, et bon, je sais que c'est des pointures dans leur domaine, quoi, en fait. Donc c'est vraiment c'est assez chouette. Et donc elle, c'est une grande dame, quand même, parce qu'elle a beaucoup beaucoup donné pour la musique et tout ça. Donc et puis c'est dans un tout petit village, donc c'est Pagné derrière Barine, donc c'est dans le Toulois, en fait, dans les coteaux du Toulois. Donc c'est assez bucolique quand on vient. C'est un peu un no man's land. On se dit que bon, il peut pas y avoir une aussi belle salle là-dedans. Et on arrive dans un bled où il y a plus de vaches que d'habitants, et puis il y a une super belle salle culturelle. C'est chouette, ouais. Tu penses que tu n'aurais jamais fait de musique si tu n'avais pas eu cet accident? On va dire d'ailleurs de quel accident il s'agit et quel sport tu pratiquais. Alors en fait, moi j'étais roi de la pédale, donc c'est le sport, en fait, où il y a beaucoup de coureurs qui ont des bons médecins, en fait. Voilà, le sport qui endort tout le monde en juillet, quoi. Vous voyez puis, de quoi il s'agit. Vous avez tous compris. Et puis, non, je sais pas, en fait. C'est ma mère qui me tenait un petit peu. Merci, maman. C'est toi tout à l'heure qui a fait sonner. C'est pour ça que le téléphone a sonné. Pendant la performance de Florent Kiefer et Jean-Nicolas Mathieu. Ouais, voilà, ouais. T'as bien tout saccagé, maman, t'es fière. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas si j'aurais trouvé un. Je faisais vraiment beaucoup de vélo. C'était des années avec vraiment beaucoup de kilomètres et tout. Je sais pas si j'aurais arrêté. Quoi, mais j'avais envie de. Moi, j'avais une hygiène de vie qui commençait vraiment à décliner. Je me préparais à l'hygiène de vie de musicien de maintenant, qui est assez consternant. Enfin, ouais, bon, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, on va diminuer, ne serait pas arrêter, mais diminuer les conneries. Donc, bon, voilà, quoi, je me suis. Je continue, stop, ou encore. Ouais, enfin, bon, là-dessus, c'est pas. Tu voulais continuer? Ah non, mais je veux dire, non, voilà, c'était améliorer le cadre de vie, l'hygiène de vie et tout, et puis faire des choses utiles, quoi, enfin, j'espère. Et justement, les choses utiles, tu ne jouais pas encore de guitare à ce moment-là, c'est l'accident qui, qui t'a fait t'y mettre. Ouais. Mais tu écrivais quand même ? J'écrivais, mais je savais pas vraiment pourquoi ça pouvait servir, parce que je jouais pas d'instrument et je me voyais pas faire de je sais pas, écrire au sens littéral, puis je veux dire publication, etc. Enfin, je veux dire, ça me paraissait vachement présomptueux. Donc j'étais un fou de musique, vraiment un grand mélomane. Donc je me suis dit ça peut être sympa, même à petit niveau, même en faisant du bar pas trop loin, en faisant des voilà quoi. De toute façon on sait que voilà, si on fait pas de radio crochet et tout, on risque pas de décoller. Donc c'est un bon exutoire quoi. C'est vraiment je pense que c'est bien quand on est tourmenté, puis si quand on est narcissique quoi, c'est pas mal de monter sur scène. Essayez, vous verrez. Non, je rigole. Hein. Non, mais bon, on a tous un petit pas égo, mais je veux dire, on a envie de dire écoutez-moi quoi. En fait, quand on a des trucs à dire, donc c'est. Non, j'insiste là-dessus, mais pour rire, hein, Mika. Mais j'ai bien compris. En ce qui concerne les paroles, je le disais juste avant ton concert, tu aimes t'amuser avec ceci. C'est la première chose. Les mots en fait. Ouais, tu prends les mots, tu les assembles. C'est vraiment un jeu d'assemblage pour toi. Ouais. J'aime beaucoup en fait. Il y a plusieurs courants que j'adore. Des gens comme Tiefen, Bachung, MC Solar, Bobby Lapointe, les années 70. Et puis un autre courant qui dégoûte un peu tout le monde, mais c'est le rap en fait. Je suis un gros fan de rap des années 90, début des années 90. Donc avant que ça devienne un sport prépubère. Maintenant, donc où ils ont pu rien à dire, c'est un peu minable. Et jeu avec les mots, un peu assonance, allitération, choses comme ça. Ouais, des Bobby Lapointe, qu'en fait, pour moi, c'était des pionniers du rap. Même Renaud, dans les années 80, c'est presque des précurseurs. Époque hexagone, moi, ça, je trouve que c'était déjà des jeux avec les mots, les sens des mots. Donc, j'aime bien, ouais, ça. Ouais. Il t'influence, ce que tu viens de citer, dans ton écriture ? Est-ce que tu leur prends des trucs, par exemple ? Non. Tu parles de Tiefen, il y a quand même un titre qui fait penser à un titre. Ah ouais, non, mais j'ai voulu le changer parce que je me suis dit, et je pense inconsciemment, Dis-nous, c'est quoi ? Double fracture ouverte des cheveux, ouais, parce que rien que le fait que ce soit long, etc. Mais j'ai voulu le... Ouais, peut-être qu'un jour, je le changerai le nom, si jamais je m'inquiète ou je sais pas quoi. Après... il y a influence et goût. Moi, je dirais, il y a les goûts, mais après influence, j'essaie de jamais copier. Mais je pense inconsciemment, on copie forcément, quoi, parce que on aime bien des phrasés, des structures en fait, un petit peu musicales et tout. Mais je trouve que ce serait un petit peu pathétique, quoi, de plagier ou de vraiment trop pomper les choses. Mais il y a des univers, ouais, qui, enfin, par exemple, je vois Bachung avec Faux, quoi, qui était dans son univers. C'est vraiment des fois des musicalités qui font que on peut se dire, ça me fait penser à telle parole. Enfin, le fameux truc où on cale les paroles une fois qu'on a la musique ou la musique une fois qu'on a les paroles, etc. Je pense qu'on sans piocher ou sans puiser, mais je veux dire, en fonction de ce qu'on écoute, on a des attraits ou non, quoi, je pense. Donc, voilà quoi. Ouais. Tu viens de te poser la question habituelle. Est-ce que tu commences par les paroles ou la musique pour l'écriture d'une chanson ? Ça dépend si je suis bourré, c'est vrai en plus, hein, ça dépend des fois de l'inspiration extérieure et pas trop clean. De façon plus raisonnable, on va dire. Bon, en fait, le problème, c'est souvent que j'ai les mots, en fait, qui viennent. Donc, après, il faut trouver une musique. Mais de temps en temps, le son qu'on essaye de trouver correspond pas du tout. Donc, ça m'arrive d'avoir le dictaphone, le portable à portée de main, même quand je suis dans la rue et tout, m'isoler, mettre derrière une poubelle réciter le truc pour que j'ai l'air que j'ai en fait reste, et puis qu'après je puisse calquer des paroles. Mais j'ai la fâcheuse tendance à avoir plus souvent des paroles et après devoir calquer la musique, ce qui est vachement plus dur, quoi, je trouve. Comme je disais, comme vous l'avez compris, tu aimes jouer avec les mots, ce qui n'enlève pas qu'il y a du sens, hein. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Ah, j'espère. Par exemple, une chanson sur la prostitution. Ouais. Il s'appelle Yanka. Alloué, en fait. Je l'avais appelé. Alors, c'est véridique. C'est chiant parce que si un jour je deviens inconnu, bon, il n'y a pas de risque, mais sur Google, elle s'appelle toujours Chanson pour une pute. Donc, j'espère que, bon, voilà, la maturité faisant que. Non, mais c'est vrai. Elle s'appelle Chanson pour une P, 3 petits points. Enfin, il y a 28 petits points. Mais je l'ai rebaptisé quand je joue dans les salles culturelles A, plus loin loué, alloué. Oui, bah, donc, c'est ce que j'ai introduit tout à l'heure. Parce que. J'habite en fait près d'un quartier en fait qui a bon le quartier en lui-même ça va hein, je me justifie hein, quand même mais bon après ça devient glauque hein, c'est bon on va partir passer certaines heures nocturnes on va dire il y a du beau monde quoi il y a du dealer il y a de la plus vieux métier de France enfin du monde bon il y a donc voilà ouais je passais souvent en revenant de soirée en fait devant ouais ces nanas là qui est quand même un peu abîmée et tout et puis ouais ça m'a inspiré un petit texte mais là c'est véridique c'est vraiment pas pour jouer de rôle j'ai vraiment écrit ce texte là en ne m'en souvenant plus du tout parce que mais c'était pas dans le cadre d'avoir essayé la chose hein. C'est que j'avais fait une grosse soirée une grosse bringue on revenait par là en fait par la place Croix de Bourgogne donc rue Jeanne d'Arc pour ceux qui connaissent Nancy et le lendemain en fait j'ai vu les paroles quoi en fait je me suis dit ouais j'ai écrit ça je me suis dit ouais ça tient bon voilà et mais vraiment j'ai écrit complètement défait quoi la chanson là, vraiment à mort quoi. Yanka elle existe? Non. En fait, le vrai truc, j'ai entendu un gars qui devait être son mec. C'était assez morbide, hein, assez sinistre, glauque, quoi. C'était un gars qui sortait de bagnole, quoi, en fait, et qui disait à cette petite nana qui avait quoi, 22, 23, 24 ans, qui lui gueulait dessus, quoi, en fait. Et j'entendais un nom type Yanka, Yena, je sais pas quoi, enfin, Europe Centrale ou je sais pas quoi. Bon, classique peut-être. donc j'ai pris ça parce que voilà. Quoi. Après, j'ai pris le dictionnaire des prénoms de l'Europe de l'Est. Non, voilà, c'est un nom fictif, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous avez été interpellé par certaines paroles? Ah non vous... Ah, vous battez pas, merde. Ah, mais prenez un micro, monsieur. Ah ouais, avec la rime, c'est la frime, elle était rapide, ouais. Vas-y. Parle là parce que là on peut pas tirer plus le fil du micro. J'interviens à nouveau comme tout à l'heure. Non mais moi j'ai été interpellé parce que je passe aussi assez souvent dans cette rue, j'y ai même habité il y a assez longtemps donc sans consommer mais bon c'est non je dis il y a pas de mal. Je dis ça à tout hasard parce que à la radio je suis à la radio aussi, je voudrais pas que ça m'attire une mauvaise réputation. Il y a pas que des gens qui ont bon esprit. Bon, bon. Et puis non, donc je trouve que c'est touchant. Celle-là est touchante. Merci. Des fois, je trouve que, bon, c'est bien, mais c'est un peu rapide pour percevoir tous les mots. C'est un petit peu. Oui. Ou alors, je suis dans le. Peut-être que là, à la diffusion, ça en passe mieux. J'ai bien aimé sur le. La bobine à pointe, les jeux de mots, tout ça, ouais. Ah bah ça, c'était de la très rapide, ouais. C'est puis la chanson quoi, politique, là, c'est ça par exemple, voilà. Sinon, voilà ce que je voulais témoigner. C'est intéressant, c'est créatif, c'est une bonne rencontre, voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, non, bah c'est vrai qu'après, j'aime bien le dicter, le phrasé rapide, donc ça plaît ou ça plaît pas. Ouais, comme c'est le vrai rap, que c'est... finalement. Bah je pense, ouais, c'est vraiment un truc que j'aime bien, mais c'est dommage parce qu'il existe encore du très bon rap, mais forcément, il passe pas sur les ondes du tout. Des gens comme Gaël Faye, des gens comme ça, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, il est pris Goncourt des lycéens, donc bon, quelque part, ça. Enfin, il y en a d'autres, hein, Abdel Malik, tout ça, mais c'est sûr que ce sera pas des boobas, des trucs qu'on entend dans les cours de récré. Et c'est vrai que c'est un phrasé, oui, rapide, ouais, ouais, je pense qu'il plaît pas forcément à tout le monde. J'en ai des plus lentes. Voilà, comme Alloué, vachement suicidaire. Et puis, bon, bah voilà. La chanson sur la politique, j'ai trouvé plutôt intéressant ton angle de vue de prendre les couleurs comme parti. Oui, parce que, enfin, les bleus sont à haïr, les jaunes sont à, oui, parce que je me sens vraiment d'aucune couleur, quoi, en fait. Enfin, j'ai toujours pensé que un artiste, enfin, je m'imaginerais un niveau de très connu où même les artistes qu'on voit qui sont connus, qui se font récupérer par la politique, j'ai toujours, considéré, mais c'est peut-être perso que c'est pas du tout la place d'un artiste, quoi. À la rigueur, peut-être pas un comédien, mais un chanteur pas du tout quoi. Enfin, je veux dire donc ouais, c'est Voilà, je suis, enfin moi perso, je suis d'aucune couleur, surtout pas d'extrême auquel on pense quoi. Mais après, je pense qu'il y aurait du bon, même si on était, si c'était un milieu clean, sain, je pense qu'il y aurait à piocher partout. C'est toujours pareil quoi, dans un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre. Pour lancer la chanson, tu as dit que tu votais violet. Oui, violet ou vert fluo, hein. Enfin jaune fluo, parce que vieux vert fluo, on va croire que c'est. Mais bon. Aucune couleur, aucune. Comment ? Jaune. Jaune, ouais. Ouais, faut voir. Hein. Tu nous l'expliquais, tu es issu du cyclisme. Pourquoi il n'y a pas de chanson sur ce sport ? Il y aurait tellement à dire, n'est-ce pas ? Sur la médecine ? La médecine troisième génération je sais pas, ouais. Les petits trains, ouais, enfin, ouais, vite dit. Hein. je sais pas, non. C'est pas un thème qui m'inspirerait beaucoup. Je sais pas, c'est vraiment des gens qui m'ont déçu parce que, à titre perso, j'étais un petit gamin qui rêvait au bord des routes, quoi, en fait, avec la caravane du Tour de France, ce genre de truc. Puis ils ont un peu cassé un jouet, quoi. Et j'ai ma conscience pour moi quand je dis que le dernier des derniers est dopé, quoi. Alors que maintenant on va dire non, ça va mieux. Ah, maintenant c'est vraiment un milieu où c'est même culturel de, waouh, la vache, ça va être censuré, Mika. Et non, mais là, tu sais quand même qu'on peut être entendu par l'idole du coin qui habite le village. Vraiment le village du coin. T'es quand même au courant, quoi. Bah, il vient souvent ici. Il vient souvent ici. Bon, Steve, je suis désolé. t'es proche et Cofidis et AG2R. Désolé, Steve. Est-ce que tu connais Erwan Montéour? Oui, je le connais, oui. On peut dire donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien cycliste professionnel, ouais, et qui s'est lancé dans la chanson, dans l'écriture. Dans la chanson, dans l'écriture, aujourd'hui, il fait de la diététique un peu gonflette, mais il passe à la télé, hein, même, enfin, ce genre de truc, ouais. C'est vraiment un des numéros 2 ou 3 de la diététique, nutrition, etc. J'ai même pu le rencontrer, en fait. C'était vraiment un hasard, en fait, dans un concert à Paris-Bercy, en spectateur, et lui aussi. Spectateur, et c'est marrant, c'est un mec qui, on voyait qu'il avait un énorme charisme, une envie d'envoyer et tout, donc il a touché à tout, ouais. Il a été il a été avec le cascadeur Rémi Julienne, quoi, tout ça. Il a fait de l'écriture, après il a fait de la musique, maintenant il est il est un petit peu partout, et mais c'est un mec qui est assez touchant, quoi, puis qui a un gros gros charisme, en fait, ouais. Ouais. Il a été tricard du monde professionnel du cyclisme. Ouais, mais ça s'est joué à peu de choses. Enfin, pour ceux qui connaissent, en fait, il était leader du Tour de l'Avenir, donc c'est un petit Tour de France, en fait, pour les moins de 25 ans. Il chute quand il est leader, il abandonne, et en même temps il se fait pincer pour un contrôle antidopage. Donc il est en train d'exploser, et je pense que il a plus d'une corde à son arc. Donc il est sur la conscience le fait de tricher. Donc c'est pas plus mal qu'il ait fait ça à temps, quoi, je pense. Si vous voulez en savoir plus sur Dichotomie, bah déjà, vous pourrez réentendre ton concert. Hein, ça sera sur la page Facebook de Radio Gamozo. Il y aura même le live que Gilou vous propose. Il est en train de filmer à l'instant même. Et puis, en même temps, le son sera sur radiogamozo.eu. Si on a envie de te retrouver, il y a des concerts. On peut, en tout cas... savoir connaître les dates et suivre sur la page Facebook, là aussi, Dichotomie. Oui, c'est ça, c'est sur Facebook, c'est Dichotomie, donc le jeu de mots, donc D-I-C-O, plus loin, T-O-M-Y. Et c'est à peu près tous les week-ends, oui, je joue quasiment tous les week-ends, ouais. Peut-être chez Rudy, à l'estaminet bientôt. J'espère, je le tanne, Rudy, parce que après être passé avec les reprises, je lui ai dit que je voulais passer avec les compos, c'était le truc qui me bottait le plus, et je dois le recontacter fin mars, en fait, donc j'espère, ouais. L'été dernier, vous l'avez vu, Dichotomie chez Rudy avec des reprises, et bien peut-être cet été ou prochainement avec ses propres compos, comme vous l'avez entendu aujourd'hui dans le studio de Radio Gamozo. Je te remercie d'être passé ici. Bah, grand merci, Mika. Puis c'est, ouais, son pommade, bah, c'est, ouais, ce que je disais, c'est vraiment une radio que je trouve sympa, puis qui me correspond, dans la mesure où c'est patrimoine local, vie culturelle, etc., sans prise de tête, tout. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais adoré le passage l'an dernier. D'ailleurs, je salue Calou. Tu m'avais fait rencontrer, qui est devenu un bon pote, donc ciao Calou, et puis merci Mika. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Ouais, on peut dire ça. Exactement. Merci au public. Merci beaucoup. D'être venu. Vous pouvez. Ah oui, bah oui, forcément. Et vous pourrez revenir ici pour les prochains samedis musicaux. Ça sera au mois d'avril, je le disais, le premier samedi de chaque mois. Il faut que je regarde sur le calendrier. Qu'est-ce que me dit celui-ci ? Nous serons le 6 avril. Notez cela sur vos agendas en attendant que nous vous dévoilions qui seront les deux prochains artistes, artistes ou entités, un groupe. Nous verrons bien à ce moment-là et ça sera à 18h. Et puis en attendant, musique sur Radio Gemozo. Petit générique quand même. Merci, au revoir.